Dans quelques instants, Bulle de rêve, magazine du cinéma d'animation. Bonjour, bonjour, c'est en effet bien Bulle de rêve qui est de retour, après deux mois d'interruption, enfin. Et tout d'abord, bonne année, Akemashito Medeto. Voilà, tout le monde, ouais, je le dis vite. Plein de bonnes choses, hein, évidemment, pour cette nouvelle année, avec le retour de Bulle de rêve. Alors, je suis très content, aujourd'hui, Bulle de rêve est dédié aux pionniers du cinéma d'animation français, et autour, c'est drôle, parce que alors, là, vous voyez pas l'intérieur du CE, mais c'est assez rigolo, mais maintenant, on s'est placé, on a l'impression que tout le monde regarde la même personne, et en fait, donc, l'invité un peu d'honneur aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste Garnero. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Très content de le recevoir, il travaille aux archives du National du film du CE, française, pardon. Donc c'est le CNC qui chapeaute tout ça, il va nous expliquer tout son travail et de l'importance évidemment de garder ces films. On a décidé ensuite de réunir trois autres personnes pour nous parler. Béatrice Martin-Starevitch, bonjour, qui va nous parler d'un programme qui va sortir bientôt sur Ladislas Starevitch, sur les films de Ladislas Starevitch, qu'on présentera quasiment pas tellement. C'est une des stars, et j'espère que tous les gens qui écoutent Bulle de rêve de toute façon connaissent Starevitch, un peu moins connu. Marc Fay va venir nous parler d'un documentaire sur Au Galop. Bonjour Marc, qui est déjà pris dans tous les documents qu'on a autour de la table. Donc il va nous parler d'un des pionniers aussi, qui est un petit peu moins connu, et vous l'avez déjà entendu à ce micro, il viendra nous parler de sa nouvelle édition de Propagandes Animées, Sébastien Roffa. Bonjour Sébastien, qui viendra nous dire en quoi cette nouvelle édition est importante et qu'il faut... jeter l'autre pour racheter celle-là. Et là, il n'a même pas le droit à la parole, c'est moi qui reparle le sud comme ça, il réfléchit pour tout à l'heure. Mais on va commencer par celle qui illumine cette émission et qui a, faut quand même le dire, triomphé d'un très beau prix au dernier festival national de Bru pour son film Roux. Elle a eu le prix de la SACD et c'est Florentine Grelier. Bonjour Florentine. Bonjour, qui va nous régaler et nous dire tout ce qu'il y a pour ce prochain mois avec l'agenda. C'est elle qui commence parce que à chaque fois on la met en fin d'émission et elle n'a pas le temps. Donc là, elle a tout son temps, elle va pouvoir parler tout doucement. On t'écoute. Voilà, donc c'est l'agenda donc, jusqu'à fin février, puisqu'on ne sait pas encore quand est-ce que sera la prochaine émission. Donc on va commencer par les festivals. Premier plan a commencé hier, donc c'est du 21 au 30 janvier à Angers. C'est le festival des premiers films pour la 23e édition. Au programme, il y a toujours 6 sections de compétition officielles, dont la compétition Plan Animé Européen, qui regroupe 28 courts-métrages d'animation. Donc en plus de ça, il y a des courts-métrages dans les films d'école ou les courts-métrages français. Donc plus d'une trentaine de films à découvrir, souvent inédits. Également, pour la première fois, il y a une compétition de premiers courts-métrages réalisés en 3D relief. Voilà, avec peu de films, puisqu'il en existe peu pour des premiers films. Et il y a aussi des programmes hors compétition, dont donc une sélection de courts-métrages du cinéaste d'animation russe Gary Bardine, avec en avant-première et en sa présence la projection de son long-métrage Le vilain petit canard. Oui, c'est vrai que son premier long-métrage officiel. Son premier long, oui. Très beau festival, Angers. Très, on peut rencontrer les réalisateurs et notamment les réalisateurs de courts-métrages, donc c'est vraiment un très très beau festival. Voilà, donc pour ceux qui ne seront pas à Angers, vous pourrez quand même voir Gary Bardine, son film et lui-même, donc à l'ouverture du festival Ciné Junior, qui a lieu du 26 janvier au 8 février dans le Val-de-Marne. Elle vous dit ça parce que Florentine est une grande fan de Gary Bardine, c'est pour ça. Voilà, donc c'est le festival international de films jeunes publics, donc il y a fiction, animation, mais pas mal d'animation. Donc côté animation, il y a également chez Bourashka un long métrage reprenant le célèbre petit personnage russe. On a aussi beaucoup de courts-métrages et autour de la thématique qui cette année, la littérature jeunesse et la bande dessinée, il y a par exemple des séances collaboration René Laloux et les illustrateurs, Serge Lissade, Grégoire Solotareff, autour de l'œuvre de Tezuka, bon, Alice de Jean Meyer, il y a beaucoup de choses. Qui a une super programmation qui est un peu fourre-tout des fois. Oui, voilà, il y a un peu de tout, mais pas mal de choses à voir. Ouais. Voilà. Donc dans le Val-de-Marne. Ensuite, dans le Val-d'Oise, nous avons bien sûr Image par Image du 4 au 26 février. Donc là, c'est le festival du cinéma d'animation du Val-d'Oise, que de l'anime, avec comme d'habitude des découvertes. Pour son ouverture, ça serait la projection de Persing Eye, donc, et non Persing One. C'est pas Persing One, c'est Persing Eye. Ah, oui, oui. Apparemment, il y avait une faute à Annecy quand il a été. Voilà, Persing Eye. J'ai envie de le dire One, mais de Liu Yan. Alors, ça, pour le coup, je ne sais pas si je dis bien son nom. Et il sera là, donc en sa présence. Alors, Persing One, absolument à voir. C'est donc Persing Eye. Il me semble qu'on le dit comme ça. Absolument à voir. Il va passer aussi, normalement, j'espère, dans le Festival État du Monde au Forum. Oui, voilà, tout à fait. Ah, tu vas lire, pardon. Je vais le dire. Excuse-moi. Donc, juste absolument le voir pour tous les auditeurs. C'est un premier long métrage chinois qui a été fait. Je crois quasiment tout seul ou quasiment tout seul, et qui est super intéressant sur l'état actuel de la Chine. C'est un peu bancal à des moments donnés, mais ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'est vraiment à voir, et c'est parce que c'est important. On est dans un renouveau du cinéma d'animation chinois et qui a été évidemment pendant longtemps mis de côté après la révolution culturelle. Et donc c'est super intéressant de voir ce film, et absolument, absolument à voir. Surtout si le réalisateur est là, c'est d'autant plus important. Donc pour Image par Image, vous aurez aussi l'occasion de voir l'exposition La Traversée de Florence Miaille. Il y a aussi des work in progress, par exemple sur le dernier long métrage de Jean-François Laguioni, Le Tableau, en sa présence. Une masterclass de Félicie Amos autour de son travail de character design sur Fantastic Mr. Fox, qui était très bien. Qui était à Meknès, très bien. Ouais. Et il y a également le long métrage inédit Goodbye Mr. Christie de Phil Mulloy. Voilà, des cartes blanches. À partir de moins de 16 ans quand même. Hein. Un programme très riche que vous pouvez voir dans... Voilà, le programme est en ligne, on remettra les liens, donc n'hésitez pas à y aller. C'est la première fois qu'Yves, c'est Yves Bouvray, que Yves Bouvray n'est pas invité, parce qu'Yves parle beaucoup, encore plus que moi. Donc en fait, j'ai pas voulu inviter, il y avait suffisamment de monde. Mais c'est évidemment un super festival, et il y a vraiment plein de belles choses à voir. Voilà, et donc pour en finir avec les festivals, il y a bien sûr Clermont-Ferrand du 4 au 12 février, donc le plus grand festival international de courts-métrages. Quel festival Qui cette année a reçu plus de 6500 films. Voilà, donc trois programmes compétitifs, sélection française, internationale et le labo, avec des panoramas, des cartes blanches, des programmes divers et variés, et avec toujours de l'anime par-ci par-là. Oui, Love Patate est dans compétition. Love Patate, il me semble qu'il est dans un programme. Il est en compète. Il est en compète. Il est aussi dans un. D'accord. Il y a pas mal ah oui, de non, choses. Je confonds. Il est Love Patate est aussi à premier plan en fait dans un programme des anciens qui ont gagné et qui ont été montrés. D'accord. Il est partout Love Patate. Ouais, c'est très bien. Voilà, donc clairement. Donc ensuite pour les projections, en effet, Piercing Eye passe également le jeudi 3 février à 20h au Forum des Images dans le cadre du cycle Un état du monde et du cinéma. Donc il y aura non seulement le réalisateur mais aussi la productrice du film, et la séance sera présentée par Pierre Aski, le rédacteur en chef de Rue 89. Voilà. Donc je ne sais pas. Qui s'y connaît bien l'animation. En tout cas, qui doit s'y connaître en Un état du monde et du cinéma. Oui, qui doit s'y connaître dans l'état du monde. L'état du monde. C'est déjà voilà. Qui se connaissent en état du monde. Vas-y, continue. Donc, on continue avec le Forum des images, avec la projection de Gochou, le violoncelliste de Isao Takahata. C'est ce qui est absolument sublime. Voilà, dans le cadre des après-midi des enfants. Mais bon, même quand on est plus grand. Un jour, Florentine fera son agenda et je ne dirai rien. Mais je peux pas annoncer tellement de belles choses que comment voulez-vous que je ne dise rien. Gochou, c'est tellement merveilleux que. Voilà, j'ai écrit à certains moments que tu devais intervenir et que c'était forcément que tu interviendras. Ah, un d'accord. Peu plus tard, j'ai. Ok. Tu vas. Donc. J'interviens même quand je suis pas censé. Donc ça, c'est samedi 5 février à 15h. Ensuite, à la Cinémathèque française de l'animation également, non. Avec mon voisin Totoro, le mercredi 26 janvier à 14h30. Oh, ils ont fait un effort. Mais il faut en profiter parce qu'en fait, mon voisin Totoro ne sera plus le squatteur indélogeable du studio des Ursulines pour des questions de droit. Ouais, c'est triste. Donc, mon voisin Totoro est aux Ursulines depuis des années, quand Disney avait racheté les droits. Donc des films Ghibli, ils avaient réussi quand même à garder Totoro en disant bah non, ça fait des années qu'il est là, tous les enfants viennent, font des dessins, etc. Et là, malheureusement, en effet, là, ils sont vraiment obligés de le laisser. Donc Totoro, alors que ça fait des années qu'il est aux Ursulines, est obligé de. C'est un peu triste. Déménager, mais... oui. Donc en fait, Totoro passe à la Cinémathèque pour le cycle Jeux d'enfants qui a lieu du 19 janvier au 9 février. Et il y a également à noter deux séances de court-métrage qui mélangent animation et prise de vue réelle. Avec Chouchou de Kohnman, Il était une chaise de McLaren, enfin voilà, il passe pas des courts-métrages d'animation. Ensuite, on a justement au studio des Ursulines, les séances Animalundis, je ne sais pas trop comment on doit les dire, qui recommencent le lundi 21 février avec une projection de film de l'EMK. Et en fait, ça continuera en mars sur le nouveau court-métrage des Trois Ours, Mademoiselle Kiki et les Montparnasse d'Amélie Harrault. Voilà. Et donc ensuite, j'ai noté, attention polémique, Alexis parlera forcément. Donc, une projection de court-métrage présélectionné au César du meilleur film d'animation 2011 au Forum des Images, le jeudi 24 février. Et donc, Alexis, je pense que tu vas vouloir rebondir, peut-être, sur le César du meilleur film d'animation. C'est vrai que j'ai un peu grossi. Alors, non, j'ai dit... Est-ce que tu en parles un peu après des nominations, ou est-ce que tu parles des 5 films là, sont... en fait, ils vont projeter les 7 courts-métrages qui ont été présélectionnés la veille, en fait... de la cérémonie, mais on connaît déjà effectivement les deux nominés de court-métrage qui sont L'Homme à la Gordini et Logorama. Voilà, vous connaissez ma position, j'ai décidé d'arrêter d'être le chieur qui parle tout le temps, etc. Donc je vais arrêter un peu de parler sur les Césars pour une dernière fois, et je ferai un petit édito, ils auront mais après j'arrêterai d'en parler. Il y a en effet les 5 nominations qui sont tombées pour le César de l'animation, dont Arthur 3, dont L'Illusionniste et Une Vie de Chat en long métrage, et 2 courts métrages qui sont évidemment Logorama et L'Homme à la Gordini. Logorama étant aussi sélectionné dans la section meilleur court métrage. Je l'ai dit, je trouve César de l'animation qui mélange long métrage et court métrage ridicule. Beaucoup de mes petits camarades qui sont venus ici ou quoi disent oui, mais c'est déjà un premier pas. Je pense que c'est un faux premier pas. Je pense qu'on va dans le mur, parce que de toute façon, il n'y aura jamais de César du court métrage d'animation, parce que la télé et Canal Plus n'en veut pas, parce que ça ferait un César en plus et ils n'ont pas envie. L'animation n'est pas un genre, on l'a déjà dit 50 fois, il n'a pas à avoir ce César. Je pense que c'est une très très mauvaise idée. Voilà, je l'ai dit. Bon, maintenant, on verra bien ce qui va se passer. Maintenant, il faut voir quelque chose. C'est que c'est vrai que d'avoir des... ce genre de... pourtant c'est vraiment pas ma lecture, mais j'ai regardé sur internet rapidement, et un magazine comme l'Express sur internet qui, voilà, la personne dit les mauvaises idées des Césars, et le premier point c'est le César du meilleur film d'animation. Et il le dit clairement, et je pense que cette personne ne connaît peut-être pas beaucoup l'animation, dit un César qui mélange, c'est-à-dire qu'il y a tellement peu de production qu'il est obligé de mélanger les longs-métrages et les courts-métrages d'animation, ce César est mort-né comme celui de la francophonie. Donc c'est-à-dire que si des gens comme l'Express qui connaissent, ou des gens qui ne connaissent pas bien, un type qui ne connaît pas bien, dit ça, bah quelque part, à mon avis, ça veut dire quelque chose. Donc à mon avis, on s'est fait avoir, et de toute façon, je n'ai jamais aimé l'œuvre de César. C'est quelqu'un qui ne m'intéresse pas, j'aime bien Armand, mais j'aime pas César, donc de toute façon, je vois pas pourquoi j'aimerais ce genre de choses. Donc voilà, j'arrêterai maintenant et je te laisse continuer. Alors, en tout cas, donc, si vous voulez voir les 7 courts-métrages qui ont été présélectionnés, c'est toujours bien de les voir dans de bonnes conditions. Ils passent le jeudi 24 février oui, à 20h au Forum des Images, avec bien sûr Love Patate. Et donc les résultats, on les aura le vendredi 25. Donc ensuite, une petite news exposition avec Animons le dessin de presse qui se tient du 13 janvier au 25 février à Gobelin, l'école de l'image. J'ai toujours envie de dire au Gobelin, mais je crois qu'on dit à Gobelin. Ou à l'école des Gobelins. Voilà, à l'école des Gobelins. Donc c'est une exposition qui fait suite à un workshop animé par Plantu sur le dessin de presse avec un groupe de 25 étudiants animateurs de première année. Et donc l'objectif de ce workshop était de produire des dessins de presse animés. Donc il y a eu 25 très courts films qui ont été produits et réalisés. Et ils sont montrés dans l'exposition avec les dessins préparatoires et des dessins de presse, une cinquantaine de juste dessins. Juste avoir absolument pour voir à quel point il y a du talent au Gobelin, et que c'est vrai que souvent les films de fin d'études ne montrent pas tout ce talent parce que ils travaillent beaucoup sur les films, et donc voilà, c'est absolument à voir. Voilà, donc ensuite, petit rappel des rendez-vous mensuels. Donc le prochain apéro animé se tiendra le mardi 1er février à partir de 19h30 au bar La Mer à Boire. Et donc le rendez-vous Bring Your Own Animation, Bayoa. Je peux le redire ? Non, c'est bon, Bayoa. Jeudi 10 février à partir de 19h au bar Le Plastique. Voilà, ensuite on attaque les sorties cinéma. Pour finir, donc avec Dessine-toi de Gilles Porte qui sort le 26 janvier, qui est un documentaire qui utilise des parties animées. Donc, coup de cœur de Sylvie Porte du Forum de l'animation, du Forum du Forum des Images, qui s'occupe du Carrefour de l'animation. Qui n'a rien à voir, c'est pas du tout de la même famille, hein, Sylvie Porte, mais bon voilà. Voilà, donc un documentaire sur des enfants qui font leur autoportrait et avec des passages donc, animés du monde entier. Et ensuite, alors le 9 février, il y a pas moins de 6 sorties animation. Donc s'affronteront dans les salles. Donc il y a 2 films 3D, Yogi l'ours et Animaux et compagnie. Bon, on va rajoute à mon mal de tête. Sans commentaire. Donc Le Marchand de sable, qui est un long métrage allemand-danois en volume. Il y a un programme de court-métrage, Le Mulot Menteur, donc, qui rassemble 4 court-métrages, dont Les Escargots de Joseph de Sophie Rose. Il y a la ressortie d'Aladin et La Lampe Merveilleuse de Jean Image, qui date de 69. Et enfin, donc, Les Fables de Ladislav Starevitch, qui regroupe 5 court-métrages réalisés par le réalisateur entre 1922 et 1932. Je vais laisser notre invité en parler un peu plus tard. Ouais, ça tient encore bien, Jean Image ? Enfin, ça tient bien. Je ne sais pas si ça a déjà tenu bien. Alors là, je regarde et personne, évidemment, ne veut parler. C'est drôle parce que Jean Image est une espèce de personnage comme ça. Il est super important, il a fait plein de trucs et on n'en parle pas trop. Si Sébastien. Il y a eu deux DVD déjà qui sont ressortis. Donc il y a... Et je les ai... Mais j'ai... Ouais, alors ? Vous n'avez pas vu ? Non, vas-y. Et alors ? Non, j'ai pas eu... je les ai achetés, je n'ai pas eu le temps de les regarder encore. Jean-Baptiste, tu veux pas dire un petit mot ? Il ne veut pas se mouiller, Jean-Baptiste. Pour le coup, les archives ont participé à la ressortie du premier, J'ai l'intrépide, puisque les éléments étaient chez nous. D'accord. Et que, justement, Carlotta voulait ressortir ce film et on les a aider à le faire. Ok. Donc, après, ça dépend. Enfin, Jean Image, on va pas refaire l'histoire de Jean Image, mais c'est quelqu'un de très important. Non, mais c'est pour ça, c'est quelqu'un d'important quand même. De toute façon, c'est... Après, bon, de mon point de vue, je parle pas d'un point de vue historique, parce que là, de toute façon, je suis pas à convaincre. Maintenant, d'un point de vue, on va dire esthétique et avec ce qui se fait aujourd'hui, ou du moins de la manière dont les dessins animés d'autrefois. Les films d'animation d'autrefois peuvent être perçus aujourd'hui, c'est vrai que ça a peut-être perdu un peu de vitesse. C'est quelqu'un qui a voulu mettre un peu de... Pas un studio, mais en tout cas qui a voulu créer quelque chose d'un peu plus gros en France. Plus gros en France, d'une réelle ambition et qui a fait beaucoup de choses, parce qu'il a fait une énorme production, d'abord cinématographique quand même, avec Jean-Louis Intrépide, je crois, même si ma mémoire est bonne, c'est 49. Donc c'est le premier long-métrage français. Ils ont grillé les Gémeaux. Ils ont grillé les Gémeaux avec La Bergère et le Ramoneur, ouais. Qui est sorti qu'en 52. Donc déjà ça, c'est déjà pas mal quand même. Surtout tout de suite après-guerre, face à des productions américaines qui laminaient quand même le marché français. Et puis il a fait énormément de choses aussi en court-métrage, puis ensuite pour la télé. Enfin bon, donc non, c'est quand même quelqu'un dans l'histoire du cinéma d'animation qui, enfin, je veux dire, on peut pas le dénigrer. Qui est important. Voilà. Mais effectivement, ne serait-ce que si y a une comparaison à faire, si on met Jean Image d'un côté, Starevitch de l'autre, je pense que Starevitch est encore très accessible, ouais, et encore très très frais encore aujourd'hui, alors que je pense qu'effectivement Jean Image, je pense, ne fait pas le même impact que peut faire Starevitch, je pense notamment au Conte de l'Horloge Magique, déjà il y a quelques années. Là, bon, j'en ai vu que quelques-uns, mais je n'ai pas vu le programme dans sa totalité. Bon, je pense que c'est quelque chose qui tient quand même mieux la route, effectivement. Mais paradoxalement, Jean Image fait plus daté que Starevitch, par exemple. Alors qu'il arrive bien après. Ouais. Florentine. Oui, moi, je vais juste finir avec deux autres sorties, dont, alors, une, Gnoméo et Juliette, qui fait que je cite, qui sort le 16 février. Obligé, bon, non, mais voilà, je vais au bout. Ah, je vais tellement faire bout, bien les choses que. Elle sait qu'elle va regarder les sorties cinéma. Mais c'est pas grave, elle va le dire quand même. Non, mais attends, mais il y a La Flûte et Le Grelot qui sort le 23 février, et c'est deux films d'art des studios de Shanghai. Ouais. Donc, Le Grelot du Fan et La Flûte du Bouvier de Tewai et Qian Gui. Alors, ça va être dur à prononcer, voilà, de réalisateur chinois que j'ai du mal à dire. Qianjia, voilà, c'est ça. Qianjia. Donc, à voir ce mois-ci. J'avais dit, pendant que je dirais plus de méchanceté. Donc, dessine-toi. On loupe les deux autres que tu as dit. Marchand de sable, je ne l'ai pas vu. C'est Serge Joly. Le Mulot Menteur, avec notamment l'Escargot de Joseph. Bien sûr, ça arrive vite, on va en parler. Et Les Arts de Studio. Et je te laisse finir. Oui, donc, vous pouvez nous envoyer des mails à émissionbdr@gmail.com. Et donc, normalement, l'agenda sera vite en ligne. Alors, on avait promis qu'il y aurait un site dédié à Bulle de Rêve. J'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais en fait, un des auditeurs a envoyé un mail très intéressant, Jonathan. Merci à lui et bon, je vais m'en occuper. Bientôt, il y aura un site spécial Bulle de Rêve. On va et puis on mettra comme ça toutes les archives de Bulle de Rêve déjà que. Moi, depuis que j'anime et depuis que j'enregistre, et on espère même peut-être au compte-gouttes essayer de rajouter celle qu'avait fait Olivier, puisqu'il y avait des choses magnifiques, notamment avec Béatrice, justement, et qui durait, pareil, 2 heures, il a 2 heures avec gens comme Oslo, etc. Donc c'est intéressant, on va essayer de piocher parmi celles-là. Petit à petit, tranquillement, on va le faire. Donc oui, quand on s'est retrouvés, merci beaucoup, Florentine. De rien. Quand on a parlé donc de faire cette émission sur les pionniers, c'est vrai qu'il y avait cette sortie, c'est vraiment le pur hasard, c'est vraiment pas du tout réfléchi, parce qu'on en avait parlé depuis un bout de temps, que c'était en janvier. Quand on veut vendre quelqu'un qui est un petit peu, qui date maintenant du début du cinéma, il faut toujours qu'on le vende avec des noms, en disant « Oh, c'est quelqu'un qui encore est aujourd'hui toujours novateur, en tout cas sert. » Et c'est vrai que quand on parle de Starevitch, il y a notamment Wes Anderson, le réalisateur de Mr. Fox, qui a beaucoup parlé de Starevitch en disant que c'était vraiment l'un des noms qui l'avait beaucoup marqué, et encore même plus important, en tout cas pour moi, que Wes Anderson, c'est bien sûr Henry Selick, le réalisateur de Coraline et de L'étrange Noël de Monsieur Jack, bien sûr, qui a dit à quel point Starevitch l'avait marqué. Donc, je vais laisser à Béatrice Liné nous parler. C'est bien parce que ça fait quand même maintenant plusieurs programmes qui sortent. Et donc, il y a une véritable envie de sortir tout. Pas tous les films, évidemment, parce que c'est énorme. Mais beaucoup de films comme ça de Starevitch. Et puis en salle, surtout. C'est ça qui est important. Ah bah oui. Merci de me donner la parole. Évidemment, l'objectif, c'est de sortir tous les films, d'arriver à mettre à la disposition des spectateurs et puis des fanatiques de l'animation toute l'œuvre de Starevitch. C'est le but que nous poursuivons, mon mari et moi. Et donc, tranquillement, petit à petit, nous y arrivons. Et nous y arriverons puisque nous avons fini de restaurer tous les films nitrates et que maintenant, il s'agit simplement de les mettre sur les écrans. L'objectif également, c'est de les distribuer en 35 mm avant toute chose, puisque c'est comme ça qu'ils ont été créés. Tout à l'heure, vous avez cité Coraline, et puis c'est vrai, c'est tout à fait ça. Quand j'ai vu Coraline, j'ai adoré le film, et je me suis dit, c'est pas possible, c'est ma mère, quand elle est dans la Reine des Papillons, quand elle est accrochée dans les griffes donc de l'araignée. Mais ce qui est merveilleux, c'est ça, c'est que entre le passé et le présent, il y a une osmose totale. Ces personnes qui ont la gentillesse de dire Starevitch, je l'ai regardé, je l'ai aimé, et quelque part on se dit tiens, un petit clin d'œil, c'est fantastique, et moi je trouve ça merveilleux. Et donc, pardon ? Non, j'allais dire, parce que ce qui est étonnant, je sais pas aussi, Jean-Baptiste, Sébastien, bien sûr, vous pouvez réagir, c'est juste, c'est vrai qu'à quel point regarder encore aujourd'hui Starevitch est toujours aussi quand même impressionnant au niveau même de l'anime. Jean-Baptiste en parlait au niveau d'autres réalisateurs, mais même des grands. Hein, on va parler évidemment de Gallo tout à l'heure, et peut-être que c'est aussi tout simplement parce que c'est du volume, mais évidemment, si on regarde Emile Cole ou ce genre-là, qui reste de très belles choses, mais c'est vrai que là, c'est impressionnant à quel point Starevitch passe sans aucun problème les années, Jean-Baptiste. Oui, non. Enfin, moi, j'ai toujours été subjugué de façon par la qualité technique de l'animation justement de Starevitch, surtout par rapport justement à d'autres réalisateurs contemporains de Starevitch comme Zubovitch qui était son élève, ça, c'est pas comparable, ou même Mourlan qui avait fait d'autres choses, mais là Starevitch il écrase absolument tout le monde. Donc c'est, et en plus de ça, c'est au-delà de l'animation, enfin de la technique employée ou bon du thème traité, moi ce qui m'a encore le plus frappé, à titre d'exemple, c'est le premier plan du Rat des Villes et du Rat des Champs. Quand le Rat des Villes est en voiture, avec donc la rétroprojection derrière, on se dit que, au-delà donc de toute la technique employée et de la mise en scène, on voit que Starevitch, c'est quand même quelqu'un de cinéphile. Je pense que c'est pas un plan, en tant que réalisateur, qu'il aurait imaginé comme ça. Alors, non pas parce qu'il n'aurait pas été capable d'y penser tout seul, c'est pas ça, c'est que son œuvre fait référence aussi au cinéma de prise de vue réelle. Et ça, je pense que pour un réalisateur quel qu'il soit, que ce soit Starevitch ou même un réalisateur d'aujourd'hui, je pense que justement, adosser sa technique d'animation à une culture cinématographique comme ça, c'est très important. Je pense que ça démultiplie encore l'impact de l'animation. Ouais. C'est un vrai cinéaste, quoi. C'est pas un cinéaste non. L'animation. Non, il n'a pas focalisé là-dessus, il a vraiment. Et ça, je pense que c'est aussi pour la raison pour laquelle Starevitch passe aussi bien encore aujourd'hui, indépendamment de la grande maîtrise technique, c'est qu'il y a une grande fluidité dans la construction, dans le découpage de ses films, bon, dans le scénario. Alors ça peut être des adaptations effectivement, mais Fétiche c'est pas une adaptation, c'est quelque chose qui est de lui, une création, une idée originale, et je veux dire la qualité est la même. Ouais. Donc c'est vraiment, Mais je voudrais reprendre la parole au sujet des fables, si vous permettez. C'est par rapport au conte de l'horloge magique, ça n'a rien à voir. Parce que ce que nous avons fait avec les fables de Starevitch, d'après La Fontaine, c'est simplement la juxtaposition des fables avec une musique qui a été créée pour les films muets et qui est une osmose totale. Pour relier les films, les cinq films qui composent ce programme. Mais Jean-Baptiste dit j'ai vu les fables, mais il les a pas vus. Ça n'a rien à voir. Alors, ni avec les contes de l'horloge magique, ni avec les fables séparées. Pourquoi alors voilà pourquoi ce programme en effet change, et pourquoi à chaque fois quand vous sortez, c'est aussi essayer d'amener un public plus jeune à voir ce genre de film, et en effet il y a toujours des petites choses qui changent. C'est une grande chose qui aussi, change, voilà. Parce que là, ce sont les films tels qu'ils étaient à l'origine et à la projection. Et d'ailleurs, en avant-première, donc le 6 février au Max Linder à 15h, vous avez un ciné-concert. Et la sortie du film est le 9 février. Donc en allant au ciné-concert et en allant après à la projection en salle, vous verrez comment on peut mettre en salle et adapter des films de 1920 pour qu'un public de 2011 soit complètement charmé et sous le charme de l'affaire. Là, dans le programme, nous avons mis toutes les fables que Starevitch a tournées. Donc d'accord, là c'est les cinq. C'est les cinq fables, d'accord. Oui. Et par exemple, Le Rat des Villes, mais c'est encore un film qui est un hommage au cinéma américain, parce que Starevitch l'adorait. C'est comme dans Amour noir et blanc, ce sont des courses-poursuites fantastiques, quoi. Donc le premier film, il y a dans le programme cinq films. Il y a deux films noir et blanc de 1932 qui étaient sonores au départ, et il y a trois films muets, couleurs, de 22, 27 et puis 26. Et donc, il a fallu créer une musique et puis donc mettre le son mono en Dolby. Tout un ensemble est baigné dans un son Dolby, mais qui n'est pas outrecuidant. Enfin bref, c'est un son totalement harmonieux. La musique de Jacques Cambrai est une petite merveille. J'espère que nous aurons l'occasion. On va l'écouter tout à l'heure. Ça me fera très plaisir parce qu'elle est vraiment merveilleuse. Et alors, il a fallu. Le problème a été technique aussi. C'est la première fois que ce que nous allons voir, c'est un film qui associe du matériel couleur et muet des années 20 et des matériels noir et blanc des années 32 avec un son Dolby, stéréo, SR, etc. Bref. Donc, ce qu'il a fallu, c'est, pour avoir une image parfaite, il a fallu refotographier les images couleur pour faire des négatifs couleurs, pour pouvoir insérer la bande-son. Et ça, c'est un travail de fou. En plus, ce qu'on a fait, c'est que par rapport aux fables que vous ne connaissiez pas, mais bon, on a retrouvé... Starevitch avait un projet de film expliquant son travail, donc il n'avait pas prélevé des scènes dans des films. Et donc là, par exemple, pour La cigale et la fourmi de 1927, on a retrouvé une scène qu'il avait prélevée et on l'a réinsérée. Mais on l'a réinsérée dans un film qu'on avait restauré en deux, il y a quelques années. Donc il a fallu retrouver les couleurs de la première réinsertion. Donc c'était quelque chose. C'est vraiment un travail. C'est un travail de fou. Ce qui est étonnant, ouais. On va reparler du petit du documentaire qui dure 3 minutes. L'idée, c'est donc en fait tous les films, parce que c'est l'une des grands problèmes au CDRC, on sait par exemple quelqu'un comme Emile Cole, tous les films de Starevitch qu'il a réalisés ont été retrouvés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mystère, il n'y a pas 2-3 films qui sont. Les films russes qui ont disparu, mais oui. Starevitch en a parlé dans son journal, donc on sait ce qui a disparu et ce qu'il aimait beaucoup surtout. Il a fait toute sa filmographie et tout, donc on les connaît, les films russes, au moins par le titre et le contenu. Et pour ce qui est par la période française, nous avions tout, enfin, ma tante, ma mère, moi-même, nous avions tout, donc nous avons tout restauré. Et tout existe et tout sera à la disposition des chercheurs, des journalistes, des enfants, des adultes, des vieux, de tous ceux qui aiment son art qui est extraordinaire. Et ce qui domine, c'est la bonté, c'est l'œil un petit peu sarcastique, mais il y a toujours une générosité, une humanité, un amour du public et un respect du public. Quand vous prenez une ciné-marionnette qu'il a créé. Si vous soulevez le jupon de la poule, dessous vous avez des jupons en dentelle. Le petit pantalon long, c'est de la dentelle cousue à la main. Même sous les dessous des marionnettes, il y a le respect du public et le respect de ce qu'il faut rappeler. Ce qu'il faut rappeler, j'aime pas trop forcément dire mais c'est qu'en plus, il y avait très peu de monde qui travaillait sur ces films. Il y avait Starevitch, il y avait Irène qui on voit dans le documentaire. Il y avait ma grand-mère qui cousait les costumes et qui faisait s'occuper de la maison. Et puis il y avait également ma mère jusqu'au moment où elle a vécu sa vie propre. C'est exact, c'était vraiment un sérail de 4 personnes et puis après 2, Starevitch et Irène. Parce que quand on regarde ces films, il y a une telle précision que c'est vrai que c'est toujours étonnant de se dire qu'il y a si peu de monde alors qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il faut beaucoup de monde. Juste, j'ai m'adressé à l'historien. On a un historien, c'est bien, j'aime bien dire le mot historien. Sébastien, c'est rare quand même des auteurs, toi qui regardes un peu partout, des auteurs qui font leur propre filmographie et qui essayent de faire attention à ce que par la suite, peut-être, ça puisse se léguer ou en tout cas qu'on puisse en parler. Bah, c'est très rare et effectivement, comme je fais ma thèse sur le dessin animé français, je sais combien il est difficile de trouver des archives et des documents papier. Pas forcément qu'ils en ont rien à faire, mais que ça n'intéressait pas les gens. Et du coup, ça a été conservé dans une cave, dans un grenier. Et puis les enfants, les petits-enfants se sont dit, qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, et souvent ils ont jeté. Donc j'ai rencontré plein de gens pour ma thèse. Et très souvent, on m'a dit, on a tout jeté parce que on savait pas trop quoi en faire. Ou alors j'ai retrouvé des films dans des boîtes que j'aurais demandé de les emmener aux archives, de surtout pas les laisser. Mais c'est vrai que c'est pas forcément qu'ils en ont rien à faire. Les enfants n'étaient pas là. C'est vrai que c'est peut-être un peu différent, c'est que les enfants étaient concernés par l'œuvre de leur père et ont travaillé avec lui. Et alors que souvent, j'ai rencontré des enfants qui savaient à peine ce que faisait leur père. C'était une lubie un peu étrange pour eux et du coup, ils se sentent pas vraiment concernés. Ça, je peux les comprendre, parce que moi, quand j'étais dans le studio, au fond du studio, qui mesurait à peu près 18 mètres de long, et que lui, je le voyais sur son établi en train de jouer avec ses poupées, et moi, je devais faire mes devoirs parce que je revenais de l'école et je regardais. De temps en temps, il me disait, viens mettre ta petite main là. Donc, je mettais la petite main là, mais je vous jure que c'est vrai qu'on se demande qu'est-ce que c'est que cette alchimie. Puis, c'était très, très injuste. Mais les grands moments, c'était quand même quand je revenais de l'école, on se mettait devant la fenêtre, et on prenait le thé, donc, et lui, il prenait des petites miettes de pain qu'il mettait sur la rambarde de la fenêtre. Il mettait son bras et les moineaux venaient sur son bras. Il montait le long de son bras, il redescendait le long de son bras et seulement après, il picorait le pain. Ça, je n'ai jamais rien vu de plus étonnant vis-à-vis des animaux. Je trouve qu'il avait une osmose avec la nature et c'était vraiment fantastique. Et moi, j'ai eu cette chance de pouvoir participer à ça et j'ai eu la chance qu'il puisse m'emmener dans le jardin et me montrer tous les insectes en me disant... Enfin, il ne parlait pas, il ne parlait pas. En me montrant, en me faisant comprendre que c'était important. Pour parler du petit documentaire, c'est donc un documentaire de 3 minutes qui s'appelle « Comment naît et s'anime une ciné-marionnette ». Oui. C'est quoi exactement? C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu avant qui était, C'était quand Laurent Mandrenard a eu des soucis de distribution, donc Starevitch a récupéré au bout de 10 ans tous les droits du roman de Renard, mais entre-temps, il devait vivre. Donc il a pris les marionnettes du roman et il a illustré les deux fables de La Fontaine, Le lion de Moucheron et Le lion devenu vieux. Et ces deux films-là étaient intercalés par la maîtresse d'école qui disait aux enfants, « Bon, je vais vous apprendre une fable. » Et les enfants, elle leur disait, « Bon, je vais le montrer rentre au cinéma. Oh oui, et voilà, c'était donc un peu mièvre, mais c'était une façon d'amener de faire un long métrage. Et entre autres, à la fin, il expliquait comment il travaillait. Voilà, c'était donc ce petit documentaire de 32 qui était très pédagogique, puisqu'on voit les marionnettes, on voit leur taille vis-à-vis de Starevitch et d'Irène, et on voit comment il les anime. Ce qui m'intéresse, et Marc, tu vas pouvoir nous parler, et après je demanderai à Jean-Baptiste aussi et à Sébastien, ce qui est intéressant dans le documentaire au Galon, dont on va parler un peu plus tard, c'est aussi que lui aussi a écrit à un moment donné, écrivait comment se faisait l'animation, et donc cette envie au début de l'histoire du cinéma, de raconter, de dire voilà comment on fait, alors qu'aujourd'hui c'est très difficile des fois de faire parler des auteurs, des choses comme ça, donc qu'est-ce qu'ils font. Et alors ce qui est étonnant, c'est ça, c'est donc là un documentaire, et là il y a même des écrits même assez drôles dont tu parles légèrement dans le documentaire. Mon arrière-grand-père qui s'appelait Marius Rossillon d'Iugalo avait une tournure d'esprit voilà, qui était vraiment, vraiment propre, et il se définissait comme un artistronome dessinémateur. Donc forcément, quand on se définit comme ça, on est obligé d'expliquer un peu derrière qu'est-ce que ça sous-entend, quoi. Et donc il a écrit un très beau texte qui s'appelle comment on peut réaliser un dessin animé. Et en l'occurrence, voilà, bon, c'était le Titi Montmartre 3 avec sa gouaille. Il arrivait à trouver des formules bien à lui, et son texte est très vivant, même encore maintenant. Moi, je le relis avec beaucoup d'attention, parce que j'ai très peu de correspondances de mon grand-père. J'ai quelques carnets de croquis, notamment ses scénarii. Alors ça, c'est des friandises pour moi. C'est un peu comme les carnets d'Émile Coll. On feuillette ça comme une bible. C'est très touchant. Et à côté de ça, il aime, de manière un esprit très synthétique. Il explique les principes de l'animation traditionnelle 2D. Il y a juste quand même la fin qui va parler notamment à Florentine, réalisatrice, et non, parce qu'à la fin il dit, Émile Coll dit que de réaliser un dessin animé, c'est d'aller à Charenton. Ah, c'est ça, à l'asile de Charenton. C'est la voie la plus directe pour aller à Charenton. Pour aller à Charenton, à l'asile. Il exagère, mais un tout petit peu seulement. Voilà. Et je trouve que c'est pas mal pour en effet définir les réalisateurs d'animation, les réalisatrices d'animation. Oui, je pense qu'il fallait être pas mal barré, en fait, pour se lancer dans l'animation. Ils sont partis de rien, en fait. Oui, ce que j'allais dire, c'est que surtout, ils ont dû dépasser, en fait, une invention qui existait, qui était le cinématographe, qui était une caméra, qui était normalement l'aboutissement, en fait, d'une invention, enfin, d'une recherche, de nombreuses années de recherche, même plusieurs, enfin, je vais pas dire plusieurs siècles, parce que, mais déjà entre le 19e, enfin oui, tout le 19e siècle déjà, avec Marais, Bull, la décomposition et la synthèse du mouvement. Et que là, en fait, au-delà du fait de vouloir capter la vie et de la retranscrire comme les frères Lumière ont pu le faire, c'était dépasser cette invention, se l'approprier et pratiquement la détourner, en fait, de son projet initial. De Chaumont l'avait fait avec des trucages, bon, Méliès aussi avec ses arrêts caméra, etc., et puis aussi ses surimpressions. Et là, on avait, en fait, les animateurs, que ce soit Coll, que ce soit au galop, que ce soit bien évidemment Starevitch, mais aussi Lortac, et puis Alain Saint-Augan et Rabier, qui, en fait, sur des documents, alors qu'on peut avoir justement écrits ou même visuels, puisqu'il en existe quelques-uns, on voit que c'est du bricolage. Mais du bricolage, c'est-à-dire effectivement, c'est l'atelier, la trousse à outils. Il y avait, pour des calculs de, justement, pour prendre une ou deux images selon les plans, parce qu'en général c'était plutôt deux images, ils prenaient une sorte de ceinture qui permettait de régler avec un ressort, enfin bon, des procédés absolument inexplicables, permettant effectivement de faire un résultat qui est que somme toute très très poussé, très très fluide. Excuse-moi, Sébastien, je vais me faire l'avocat du diable un petit peu là, deux secondes. Est-ce que c'est peut-être pour ça qu'il y avait tellement d'ingéniosité, on parlait tellement de magie, et Patrice nous parlait de magie, et Marc aussi. Est-ce que c'est peut-être pas pour ça, à un moment donné, qu'on est resté finalement un peu bloqué dans cette magie, cette fameuse main de l'animateur? Il y a aussi des extraits de films de Galo où on voit la main de l'animateur pour bien montrer que c'est une main humaine. Est-ce que on peut considérer, on parlait de cinéma, et Starevitch l'amène un petit peu, mais est-ce que pendant longtemps, en effet, on n'est pas bloqué dans le cinéma d'animation, dans ce côté magique et recréation d'un univers qui n'existe pas, et donc on en oublie peut-être un petit peu peut-être un peu plus le scénario ou ce genre de choses pour beaucoup. Mmh. J'ai dit que je me faisais l'avocat du diable, j'aime bien de temps à autre. Donc, tu peux évidemment ne pas être d'accord. Alors, non, mais c'est vrai qu'il y a certains films qui de l'époque, enfin ça c'est une, c'est quelque chose de général, hein, ça a encore lieu malheureusement encore aujourd'hui, qui en fait où la technique supplante le scénario, et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment dommageable. Pour les pionniers, moi je trouve qu'au contraire il y avait quand même beaucoup d'ingéniosité au niveau des justement du scénario, du découpage du film. Je pense par exemple pour Gallo à Bécassotte. Bécassotte, oui, qui est un Clark, exemple voilà d'un personnage d'une création de Gallo. Et voilà, il laisse complètement libre cours à sa fantaisie. Et donc c'est débridé. Il se passe plein de petites histoires dans l'histoire. Et la finalité de ce bain qui s'annonçait somme toute banal, ça devient quelque chose de complètement rocambolesque, avec voilà un sens du découpage, des gros plans, quelques petits travelling, des choses qui l'amorcent au début de l'histoire, avec une vieille dame en train de tricoter et un fil de laine qui court jusqu'à la mer. Et puis à la fin, on comprend que ce petit fil de laine sert à tirer un homard que Bécassotte va amener jusque dans sa tente pour voilà ensuite aller se rhabiller. Et au galop, lui intervient à la fin de l'histoire pour fermer délicatement la tenture et donc préserver l'intimité de Bécassotte qui vient d'enlever son maillot de bain. Quel début du on retrouve les jupons de Starevitch. Et voilà, tout à fait. Voilà. Quel début du documentaire d'ailleurs de Starevitch. Il y a beaucoup Béatrice. De non-dits, de suggérés qui sont très délicats, mais qui sont extrêmement érotiques si on regarde d'un œil d'adulte, et qui sont craquants si on regarde avec le regard d'un enfant. Quoi. Ouais. Extrêmement sensuelle, la Joséphine Baker de Starevitch est formidable. Alors, on va faire une première pause musicale avec donc Béatrice. Alors, je vais le dire à Nicolas, parce que comme d'habitude, Nicolas est au courant, il le sait, cette émission, c'est moi. Donc, il sait bien. Je t'ai donné un CD à un moment donné que tu dois avoir. J'ai donné mon CD, puis un deuxième CD. Le deuxième CD, voilà, il y a juste une piste. C'est la musique de Jacques Cambrat. C'est la musique de Jacques Cambrat. Donc, il y a une piste, ça dure 2 minutes 30. Voilà. Et donc, on va la lancer. Et puis, Béatrice va nous en parler un petit peu. Vous avez le chant de Claire Lavandier, la flûte d'Iroko, et puis les percussions d'Adjie, et puis Moreo Coretano, le piano avec celui de Jacques Cambrat aussi. D'accord. Ils ont fait un ensemble merveilleux, vraiment. Bon, on écoute ça, puis on en reparle juste après. On reparle évidemment des archives. À tout de suite. bien avec les images. Et voilà, et Béatrice était à l'antenne. C'est juste, je l'ai fait exprès, j'ai laissé juste Béatrice parler, j'aurais pu lui dire. C'est juste pour vous prouver que, et oui, évidemment, on parle aussi, on a écouté quand même un petit peu, mais on n'a pas pu profiter complètement de la musique parce qu'on parle et tout. Alors, comment s'est fait cette musique? Moi, je suis un peu Jacques Cambra, Jean-Baptiste. On parlait de la musique quand même. Oui, on parlait de la musique, tout à fait. Oui, tout à fait. Et Jean-Baptiste, qui en a évidemment tout, disait, ah oui, il est trop fort, Jacques Cambra. Il vient d'où? C'est qui, Jacques Cambra? Et moi, j'avoue que je ne connais pas, je suis un peu inculte sur plein de points. Donc, Béatrice. C'est un musicien qui est spécialisé et puis qui fait ça formidablement bien dans l'accompagnement musical des films muets. Donc, il se déchaîne à La Rochelle dans le cadre des films qui sont présentés, et c'est comme ça que, avec François, mon mari, nous avons beaucoup apprécié ce qu'il faisait sur les films de Starevitch. Ah, il travaille en grande partie au festival, c'est ça Le festival des films de La Rochelle. Le film de La Rochelle, et puis le film que Serge Brambert avait mis à Paris, là, Mademoiselle Mu, il avait fait aussi là, l'accompagnement. L'accompagnement. Enfin bon, c'est un musicien formidable. Et donc là, il a eu une tâche difficile parce qu'il devait s'incorporer à eux et ne pas dénoter avec la musique de 32 qui existe. En 32, il y avait Le Lion devenu vieux, Le Lion et Le Moucheron. Et là, la musique avait été faite par Hartmann et Devaux et complètement avalisée par mon grand-père. Donc, c'était quelque chose qu'il fallait garder, puisque c'est les films tels qu'ils étaient. Et donc, Jacques a créé une musique pour les trois films et les musiques sciées à chacun des trois films. Et donc, cette idée de mettre un son... Il a fallu faire un fichier Wave et puis mettre un son Dolby pour l'ensemble des films. Et en plus, ce qu'il a fallu faire, et c'était pas facile du tout, c'était les fables de La Fontaine. Donc le texte, ça ne s'inventait pas. Donc pour Le Rat des Villes et Le Rat des Champs, la voix off, c'est la mienne puisque c'est comme ça que ça s'est fait, pour diverses raisons. J'aurais bien voulu avoir une vraie artiste, mais ça n'a pas pu se réaliser. Donc Jacques et tout le monde a dit, mais finalement la boucle sera bouclée. Si c'est toi qui ayant restauré tout ça, parle. Bon, bah on y va, allez hop. Et donc c'est vrai, le Rat des Villes et Le Rat des Champs, la voix off raconte l'histoire. Tout au long du déroulement de la fable. Pour les grenouilles qui demandent un roi, c'est la même chose, c'est tout au long du déroulement de la fable. Mais pour La Cigale et la Fourmi, quand nous avons restauré le film, la copie que nous avions trouvée, elle était montée, elle était parfaite, sauf, mais nous, à l'époque, nous ne savions pas la petite séquence qui manquait. Donc, on avait décidé avec François de ne pas toucher au montage du film fait par Starevitch. Donc, on a mis les cartons avant, les intertitres, La Cigale racontée sur intertitre avant. Donc, c'est le déroulement des cartons, lecture voix off de la voix. Et alors pour Le Lion devenu vieux, nous avions l'option soit mettre Le Lion devenu vieux avec le récitant de 1932 racontant Le Lion devenu vieux, ou simplement le film que les images. Et le film est tellement beau, tellement émouvant, il parle par lui-même, qu'on a laissé la musique seule. Et que les personnes qui aiment cette fable, eh bien, ils iront regarder dans La Fontaine le texte qui va avec. Mais en regardant les images, Des fois, il ne faut pas trop... Naturel, j'avais un petit peu, si je ne dis pas de bêtises, un peu déçu, même si c'est une très grande actrice. Mais je me rappelle plus bien, c'est Anna Chigoula qui raconte, je crois, sur les aventures du prince Ahmed, repris par Carlotta et Anna Chigoula fait. Et je trouve que les images parlent tellement d'elles-mêmes que c'est vrai que d'avoir un texte qui alourdit finalement, voilà, c'est toujours c'est un petit peu... C'est amusant ce que vous dites, parce qu'elle a travaillé sur la bande-annonce avec François pour lancer. Donc après, elle va être en ligne là, ces jours-ci, avant la sortie du 9. Et donc, on a travaillé les images, et on avait la musique et les images. Et j'ai enregistré un texte pour la bande-annonce. Et puis, on l'a soumis à des personnes qui ont dit c'est très bien, etc. Et puis, finalement, quelqu'un nous a dit, mais et sans voix? Donc, on a refait sans voix, et c'est pas utile. La bande-annonce, ils n'ont pas besoin de moi, ni le musicien, ni le créateur des images. Oui. Donc, c'est parfait. Je suis vraiment ravie parce que c'est la pureté de la création artistique qu'on a sous les yeux, sans interférence. Donc, sortie le 9 février 2011 de ce programme, Les Fables de Starevitch, d'après La Fontaine. Un dernier mot. Avant-première, Max Linder, Max Linder, donc ciné-concert, le 6 février en ciné-concert. Voilà. Merci beaucoup. On va reparler de toute façon de Starevitch, évidemment, et des pionniers autour des archives de... il faut que je le dise à chaque fois, les archives françaises du film, il faut que je retienne. Alors, il y a un très beau livre qui est sorti, qui s'appelle du praxinoscope au cellulo, un demi-siècle de cinéma d'animation en France, 1892-1948, j'ai même amené en studio qui fait 350 pages. Alors oui, c'est pas très très bien au niveau des numérotos de pages, c'est un petit peu bizarre. 350 pages, et il est énorme. Et donc, je vais vous en parler un petit peu. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a un texte de Denis Valgenbitz sur Starlight, sur fétiche, et qui dit en effet, qui parle de ce plaisir cinématographique avant tout, et qu'on sent qu'il a envie d'un seul coup, ah bah tiens, je vais mettre ça. Et donc il y a ce texte qui est très beau et c'est très intéressant. Je vous conseille vraiment, parce que ce qui est très intéressant, c'est de voir, il y a des historiens, Sébastien. C'est forcément très bien, j'ai écrit un texte, voilà. Ah oui, je Sébastien a un livre sur la modestie qui devrait sortir bientôt. Il viendra nous en parler. Non, mais qu'un livre très intéressant, parce qu'en effet, il y a un texte de Sébastien, il y a un texte de Jean-Baptiste, et il y a des textes donc d'historiens, mais il y a aussi des textes de réalisateurs. Il y a tout un mélange. En fait, j'aime bien cette... Ouais. On n'a pas juste une personne qui parle et c'est toujours la même chose. On a plein de gens qui nous disent des choses. Florence Mier, il y a un texte complètement différent de celui de Sébastien, enfin celui de Denis. Et en fait, ça, c'est très agréable. Ça résume un peu la démarche des archives quelque part. Alors juste quelques mots en introduction, parce que je pense que ceux qui nous écoutent savent pas exactement ce que sont les archives. Alors déjà, juste une chose, parce que justement, juste il y a un glossaire à la fin, et je me suis dit voilà, je connais pas tout, donc j'arrête. Et j'ai pris le glossaire. Est-ce qu'Alexis Huneau est dans le glossaire? Alors, Non, j'y suis pas, et donc j'étais super déçu. Non, j'ai fait beaucoup plus bête que ça, j'ai regardé le mot archive. Ouais. Et il n'y a pas le mot archive dans le glossaire. Non, parce qu'il y a un texte quand même d'introduction sur les archives. Sur les archives. Donc, non, mais voilà. Donc, par contre, il y a le nitrate et l'acétate. Je voulais faire la définition d'archive dans le procédé couleur. Mais c'est vrai, on aurait pu. Donc, je suis obligé de te le demander, en effet, en direct. Alors, c'est quoi, en effet, les archives? Les archives. Quand est-ce qu'elles sont nées? Elles sont nées, mais en fait, il y a 40 ans, un peu plus de 40 ans. On a été créé par Malraux en 69. Pour une simple et bonne raison, c'est que Malraux souhaitait déjà à l'époque, qui était donc Malraux, ministre des Affaires culturelles de Gaulle, souhaitait procéder à l'inventaire national, quand même, dans son ensemble, et notamment au niveau aussi du cinématographique. Alors, il y avait une autre institution qui existait déjà depuis quelques années, mais qui avait du mal à faire cet inventaire national, et donc le besoin s'est fait ressentir de créer justement une institution d'État pouvant mener à bien cette mission, pour deux raisons. D'une part, parce que et ça on l'a expliqué pendant de nombreuses années, et d'ailleurs le livre en est aussi une des conséquences, c'est que pendant les 60 premières années du cinéma, Estarevitch n'échappe pas à cette règle. La production mondiale cinématographique s'est faite sur un support de pellicule qui s'appelle le support nitrate, et qui se désagrège, explose, s'enflamme par lui-même. Donc c'est un support dangereux et qui n'est malheureusement pas pérenne. Et donc il y avait déjà urgence pour que restaurer ces films. Donc ça, c'est ce qui a été fait entre 90 et 2005. Mais en 69, c'était surtout déjà les collecter. Les collecter, d'une part, parce qu'ils étaient dangereux et que il y avait des incendies qui pouvaient se déclarer. Alors, il y a eu des incendies, par exemple, de laboratoires cinématographiques pendant la guerre ou même avant-guerre. Donc, à chaque fois, c'était une partie de la production nationale qui partait. Par rapport à ça, pour voir en pure fiction, mais on peut voir le Tarantino, Inglourious Bastard, où il joue justement sur le côté... Sur le côté inflammabilité du film Nitrate pour justement mettre le feu au cinéma. Mais et donc ça, il y avait ce problème donc de sécurité en soi. Le deuxième, j'en ai parlé avec Malraux, à savoir il fallait centraliser ces films-là dans un lieu unique pour permettre leur inventaire et savoir ce qui nous manquait exactement, à savoir titre par titre. Après, peu importe les déposants ou l'origine des copies, chacun avait apporté son matériel, que ce soit des laboratoires, que ce soit des producteurs, des réalisateurs, des collectionneurs, mais au moins cet inventaire permettait donc de recenser un peu, film par film, ce qu'on pouvait avoir, et reconstituer peu à peu, quand même, avec les informations qu'il disposait à l'époque, ça on a du mal, enfin 69, c'est un peu l'âge de pierre, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'ordinateur, il n'y a pas de filmographie vraiment, vraiment exhaustive, et donc c'est un peu sympa avec les c'est les un peu comme les pionniers, en fait, hein, dont exactement, on parle, c'est-à-dire qu'il a fallu inventer quand même une méthode scientifique de dénomination des éléments, de classement des films, de stockage des films, et puis ensuite donc d'inventaire, de communication de ces inventaires, effectivement pour permettre ensuite des rapprochements, justement pour des filmographies nationales, de courts-métrages, de longs-métrages de fiction, et puis aussi de documentaires. Donc tout ça, c'est un travail qui a été fait au fur et à mesure des années pour trouver donc son point d'orgue, on va dire, en 90, avec donc le déclenchement par le ministère de la Culture du plan d'un plan de restauration, un plan national pluriannuel de restauration qui était financé donc pas par le ministère de la Culture à hauteur de 40 millions de francs par an. Et miracle, on est passé à travers toutes les couches, on va dire. Politique, soit de droite ou de gauche, et pendant 15 ans on a pu avoir ce budget maintenu, ce qui nous a permis de restaurer en tout 15 000 films du patrimoine cinématographique. Wow. Du pré-cinéma jusque même dans le milieu des années 70, c'est-à-dire postérieur au film Nitrate, à la période de film Nitrate qui s'arrête, la période charnière c'est 54, hein. Après on a changé de support, on est passé au support de sécurité, mais il y avait aussi des films des années 70 puisqu'il y avait des 16 mm inversibles de reportage ou des films de long métrage produits avec de peu de moyens, aussi des films d'animation d'ailleurs, qui étaient en danger, donc on a aussi commencé un plan de restauration aussi pour ces films à petit budget et périssable. Il y a un petit film qui avait été fait, et oui. Il date de quand, avec La Voix 96. De Chabrol, c'est ça? Alors, avec La Voix de Chabrol, il a été fait en 96 justement pour communiquer sur ce plan de restauration qui s'appelle Comment on sauve un film. Il est réalisé par Philippe Truffaut, qui a fait ensuite pas mal d'autres choses par rapport à justement à Truffaut, avec en faisant le coffret François Truffaut, mais aussi bon, il a fait pas mal de choses pour Arte, etc. Et les dessins ont été faits par quelqu'un qui sévit encore, puisque c'est Joris Clerté, avec ses petites histoires du cinéma d'animation. Là, c'est le premier film qu'il a fait comme ça, ou je crois qu'il a oui, on retrouve vraiment sa patte, quoi, avec c'est un film d'animation avec la voix de Claude Chabrol. Ça dure 3 minutes, et en 3 minutes, celui qui ne connaît rien à la restauration de film ou à la problématique du film Nitrate repart. Il est à jour. C'est visible sur Internet ? Alors, c'est visible sur Internet. On l'a mis, en fait, sur le site des Archives françaises du film, que vous pouvez soit retrouver sur le site du CNC avec un lien, ou sinon, en faisant cnc-aff.fr dans la barre de recherche, ouais. Ou sinon, tout simplement, AFF dans un moteur de recherche. Et après, donc, l'Association française de Funboard, qui est aussi AFF, vous avez Archives françaises du film, et vous retrouvez donc... Donc, vous choisissez le Funboard ou les archives. Et donc, vous avez... Là, vous retrouvez dans la... Il y a des rubriques. Je vais en mettre à lire. Et donc, oui. Voilà. Et tant qu'on quitte à parler donc du site internet, on a aussi on communique. Alors on n'a pas de streaming ni quoi que ce soit, parce que ça répond à des questions de droit, tout simplement. Par contre, on a mis en ligne les informations documentaires qu'il y a sur nos collections. Au fur et à mesure que l'on documente nos collections, on met en ligne ces informations, ce qui est très important à la fois pour les chercheurs, pour les étudiants, pour les programmateurs, pour toute personne souhaitant faire des recherches sur des films. Et c'est vrai que l'un des travaux donc des archives après la collecte, la conservation et la restauration des films, c'est la communication donc des informations à des tiers, et de faire le relais justement avec des professionnels vers des ayants droit. Il m'arrive de temps en temps justement de faire le relais des gens qui recherchent les ayants droit de Starevitch ou de Gallo ou des choses, et donc de repasser le relais justement comme ça. On va en parler de tout le travail, ouais. Évidemment extérieur et pas, ouais. Uniquement dans les archives. Est-ce qu'il n'est pas possible de de mettre en place, justement, tu parles de streaming, un film par semaine avec les ayants droit en disant, ben voilà, on peut présenter un film par semaine comme une espèce de festival pour présenter des gens qu'on connaît finalement peu. Je ne parle pas des, des gens connus. Ce serait trop compliqué, trop lourd à mettre en place. C'est pas compliqué, c'est pas lourd à mettre en place. C'est que, effectivement, bon, déjà, ça coûte des sous. Premièrement. Deuxièmement, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir pour ne pas rentrer en fait en concurrence aussi avec les ayants droit. Ça, c'est quelque chose. Nous, on a une mission claire. On a notre carte à jouer là-dessus au niveau justement. J'en parlais de la communication au public. On numérise nos collections de films restaurés pour faciliter leur accès sur des bornes de consultation. Alors, il y en a à Bois d'Arcy puisqu'on accueille le public, enfin les chercheurs sur Bois d'Arcy pour des consultations de films en 35 mm. Et aussi sur borne vidéo, et on a délocalisé justement une partie de nos numérisations à la salle P de la BNF, donc aux côtés de l'Inatec et du dépôt légal de la vidéo de la BNF, pour justement éviter, le cas échéant, quand ces films-là sont donc numérisés, de pouvoir éviter aux gens de venir jusqu'à Bois d'Arcy et d'aller à la BNF, et effectivement de compléter aussi les collections et l'offre qu'il y a à la salle audiovisuelle de la BNF. Ça tombe parce que j'allais poser une question à Sébastien. Qu'à la BNF, c'est vrai que c'est très pratique, c'est tout neuf, c'est tout beau. Et c'est vrai que quand le film est disponible à la BNF à Paris, c'est vrai que d'aller à Bois d'Arcy, c'est toujours un peu compliqué. C'est un voyage initial. Commencez pas. Non, mais il y a le train Gare Montparnasse, ça dure une demi-heure. Ça va être joli en plus, Bois d'Arcy. J'ai vu les photos, il y a un petit pont passant en dessous, sur le site internet. Tous les visiteurs qui viennent disent « Ah, vous avez de la chance quand même, vous êtes à la campagne ». C'est vrai que c'est bien, mais il faut y aller, mais bon, c'est vrai qu'après... C'est vrai que les deux sont très différents, c'est vrai que la BNF, on est dans un petit endroit aussi, je trouve ça très pratique, très accueillant. Et puis à Bois d'Arcy, il y a le charme aussi d'avoir la pellicule qui se met en place sous vos yeux et qui tourne dans le petit... c'est un côté qui est très plaisant aussi pour un chercheur. Alors je précise quelque chose, c'est que la numérisation en fait, des collections, pourquoi on fait ça? Parce qu'après tout, le meilleur moyen de conservation qui existe au monde, c'est la pellicule 35 mm. Mais par contre, c'est justement à des fins de conservation, c'est pour éviter justement de trop manipuler ces pellicules. Et quand on en a la possibilité, qu'on a l'accord des ayants droit, ou que les films sont effectivement dans le domaine public, des choses comme ça, on numérise donc ces films-là. Et ça nous permet, comme ça nous évite énormément de manutention en interne pour sortir les copies. Et puis effectivement, ça limite aussi l'utilisation des copies. Et autant privilégier l'utilisation des films en projection en salle plutôt que sur table. C'est quand même mieux. Sébastien, juste, Béatrice, vous voulez dire un petit mot? Oui, je voudrais dire aussi simplement, il est important pour une boîte de films nitrate, là, 35 mm, d'être aérée. Et moi, j'ai passé toute ma vie, toutes les ans, quand j'étais petite, toutes les ans, en juillet, je passais le mois de juillet à ouvrir les boîtes, à retourner et à enlever les gaz. Et c'est pour ça, je crois, que tous nos films sont encore magnifiques. C'est parce que chaque année, pendant 20 ans, ils ont bénéficié de cette aération avant d'être... Et c'est un des critères. Ils ont besoin d'être ouverts. Alors la numérisation, c'est bien, mais il ne faudra pas oublier d'ouvrir les boîtes. Oui. Alors nous, justement, je reviens à nos moyens justement scientifiques, mise en place de moyens justement, alors de dénomination d'éléments, de stockage, etc. Alors bien évidemment, pour le nitrate, on a des unités de stockage indépendantes, tempérées, avec température et hygrométrie correspondant au type de support conservé, mais aussi justement pour favoriser ces aérations, des boîtes spéciales avec justement... qui protège déjà de la poussière, bien évidemment, mais avec des trous d'aération. On montre ça aussi au public, parce que justement, si le film, même nitrate ou même safety, c'est pareil. Safety, c'est le support de sécurité, donc d'accord, c'est ce qui est arrivé après. Dans la chronologie, il y a eu d'abord le nitrate de cellulose, qui est arrivé déjà avec la photo, mais on va dire qu'il commence de 1895 à 1954 pour la période cinématographique. Et puis ensuite, à partir de 54 jusque dans les années 80, on va dire 90, vous aviez le triacétate de cellulose, qui était ininflammable, mais qui développe un autre syndrome qui s'appelle le syndrome du vinaigre. Et effectivement, quand la pellicule commence à tourner, ça sent le vinaigre et l'image devient rose ou rouge ou toute jaune, et surtout la gélatine commence elle aussi à se décomposer, à se cristalliser. Et depuis les années 90, vous avez la pellicule polyester, qui est une pellicule donc en plastique, avec c'est du polyester, hein, le support, et avec une couche, une émulsion photographique. Et ça, c'est a priori assez stable. Ça peut durer 300 ans. Alors bon, je dis ça comme ça. Après, libre à vous de me croire ou pas. Personne ne sera là pour témoigner, en tout cas pas moi. Mais bon, avec, je rajoute aussi, bien sûr, il y a eu dans les années 20, suite à tous les problèmes aussi de d'infamabilité de la pellicule, et notamment dans les cinémathèques scolaires, qui achetaient donc des films justement pédagogiques, scientifiques. Une pellicule sur support de sécurité qui avait d'abord été mise au point par Pathé, qui était du diacétate, donc qui était aussi une pellicule de sécurité, qui était la première pellicule, on va dire, de sécurité, mais qui était surtout réservée à un usage non professionnel, c'est-à-dire familial ou alors effectivement scolaire. Juste tout à l'heure, Sébastien prend la parole. Je vais faire une petite parenthèse. Est-ce que toi, pour évidemment propagandes animées, tu as vu plusieurs pays, ou en tout cas la scénographie de plusieurs pays, est-ce que les archives, c'est peut-être une colle, est-ce que c'est l'une des seules archives qui est aussi bien mise en place au travers des pays que tu as pu voir? Je ne sais pas, peut-être le Japon, les États-Unis, dans les pays comme ça. Est-ce que... Ah oui, non, c'est peut-être une colle, tu peux ouais, me dire. Je pourrais pas me prononcer, parce qu'après c'était plutôt par collectionneurs qui m'ont envoyé des films, donc je me suis pas forcément déplacé. J'étais à la Kinémathèque de Berlin, qui est une super belle kinémathèque sur la Potsdamer Platz, qui est toute neuve. Mais c'est pas tout à fait la même chose, parce que là c'est vraiment les archives françaises du film. Non, je voudrais pas me prononcer parce que je... On va redemander. Est-ce que c'est bien d'être historien du cinéma maintenant par rapport à Jean-Baptiste Dieu, parce que je pensais à ça tout à l'heure quand il disait en 69 c'était vraiment tout le début, et les historiens ça devait être... Il y avait beaucoup d'absence d'informations, voilà. les cinémathèques ou archives existantes n'avaient pas procédé, et pour cause, par faute de moyens ou justement par faute de documents de référence, parce que même s'il pouvait y avoir la presse de l'époque, la presse cinématographique, on avait du mal à identifier les films. Les archives ont reçu à leur création énormément de bobines de films. Il faut savoir que les archives françaises du film, c'est l'une des cinq plus grosses archives cinématographiques au monde, après le Gosfilm au fond en Russie, après le BFI, et après bon, les archives aussi aux États-Unis. On a 1 million de boîtes en stock, 300 000 sur support nitrate, 700 000 sur support safety, et qu'on a environ 100 000 titres référencés chez nous. Et donc c'est une gestion très lourde. Et à l'époque, avec une main d'œuvre, on va dire, réduite, c'était difficile donc d'absorber ce volume. Donc effectivement, c'était un peu démenu. Maintenant, il y a l'informatisation, il y a l'internet avec bien sûr les échanges de données, la FIAF, la Fédération internationale des archives du film, sur lequel il y a beaucoup d'échanges aussi d'informations. Donc c'est on vit une belle époque. Mais donc et puis à l'époque, ouais, c'était les archives françaises du film étaient fermées aux chercheurs. C'était d'abord un lieu de conservation avant tout, et pas les chercheurs n'avaient même pas le droit d'aller consulter les films. Donc ça s'est petit à petit ouvert. Il y avait la Cinémathèque française, mais c'était 300 francs pour visionner un film. D'accord. Donc c'est vrai que si on voulait visionner, faire un corpus, par exemple, le cinéma français sous l'occupation, vous aviez 220 longs métrages à regarder, multipliés par 300 francs de l'époque. En oui, plus, oui, on peut, il fallait. Je pense à François Garçon qui disait ça dans son livre de Blum à Pétain. Mais c'est vrai que c'était s'il y avait pas un minimum d'aide ou de compréhension, des archives qui fermaient les yeux sur ouais, t'en regardes deux ou trois et puis j'en fais facturer qu'un, c'est vrai que c'était démentiellement cher. Aujourd'hui c'est gratuit, j'espère. C'est gratuit. C'est gratuit pour les chercheurs, c'est-à-dire chercheurs, ça peut être chercheurs professionnels, les étudiants, mais les étudiants, on les accepte qu'à un certain niveau d'études, puisque on part du principe que pour les premières années universitaires, en général, les travaux qui leur sont demandés ne sont pas des travaux qui nécessitent d'accéder à des archives, on va dire cinématographiques, enfin très pointues, qu'ils peuvent trouver toute la matière à la fois dans les bibliothèques et sur les DVD. Donc ça, il n'y a pas, enfin, on préfère donc quand même limiter l'accès. Mais maintenant, effectivement, dans le cadre de strictement de recherche, c'est gratuit. Dans le cadre de sociétés de production, par contre, c'est payant, ouais, parce que ce sont des sociétés de production. Et donc, bien sûr, on accepte à partir de 18 ans pour le dépôt légal, car ce qui est intéressant aussi, c'est que les archives ne sont pas un lieu mort. Ce n'est pas un cimetière, c'est un lieu de vie. La preuve, puisqu'on restaure des films, on en ressort, on essaye aussi d'être le relais entre, de temps en temps, des festivals et des ayants droit. Ça, on va en reparler, évidemment, hein, quand on bien sûr, dans, dans le domaine de la valorisation et de l'accès aux collections. Mais surtout, on sert vraiment aussi de conservation de la cinématographie d'aujourd'hui. Donc, nos collections vont du pré-cinéma jusqu'au dernier film de 2010, puisqu'on collecte aussi donc depuis 77 avec la loi du dépôt légal, donc tous les films qui sortent sur le territoire français, et donc ça représente un enrichissement assez conséquent. La question que j'ai posée tout à l'heure à Sébastien par rapport aux autres archives dans le monde, je suppose qu'il y a des liens, oui, entre les différentes archives, oui, tu dois connaître. Oui, avec la FIAF monde, notamment. Comment, alors oui, déjà avec donc, la FIAF. Alors la FIAF, c'est quoi exactement? C'est la Fédération internationale des archives du film, qui ont été créées en 38, donc à l'initiative d'Henri Langlois, et qui justement avec comme but de communiquer entre elles, par l'intermédiaire d'une fédération, et qui leur permettait d'une part de procéder aussi à des échanges de copies pour leur programmation, parce qu'en général c'était plutôt des cinémathèques plutôt que des archives, et d'une part. Et puis d'autre part, aussi là, de commencer à opérer un peu une filmographie, un recensement un peu international de la filmographie internationale de grands auteurs, car tout ça était un peu dans le flou. Là, c'est nettement plus clair aujourd'hui, parce que la plupart des archives maintenant ont fait... on fait leur inventaire. On n'est pas à l'abri de belles redécouvertes. Un film inédit d'Emile Cole, comme Les Allumettes fantaisistes, pour l'avoir vécu... ouais, prouve que effectivement on n'est pas à l'abri de belles redécouvertes. Oui, parce qu'il faut juste dire que je te coupe, excuse-moi, mais que le cinéma dès le départ, il y avait internationalement, les copies étaient envoyées ça a énormément circulé. Ça a énormément circulé. Les réalisateurs, et on peut même le voir, Starevitch, dans le documentaire de Pierre Chenal qui s'appelle Paris Cinéma, il y a une section sur le cinéma d'animation et on voit Starevitch tourner avec deux caméras. Parce que souvent, et c'était pas le seul, mais Méliès l'a fait, plein d'autres chez Pathé ils l'ont fait aussi, où en fait, pour favoriser la distribution des films, en général, il y avait un négatif qui restait en France et un négatif qui était destiné à l'export. Et donc c'est pour ça aussi que nous, vu qu'on a récupéré donc beaucoup de négatifs originaux, que la France était quand même avant 18 le premier pays du premier empire du cinéma, il y avait beaucoup de pays frontaliers européens qui venaient faire développer, traiter leur matériel chez nous, enfin en France. Et donc on se retrouve aussi aux archives avec des films égyptiens, des films portugais, des films italiens en négatif. On a retrouvé comme ça le premier long métrage portugais qui s'appelle Les Loups, Los Oblos, et qui date de 28, qu'on a restitué à nos collègues portugais. Voilà, portugais. Tu penses qu'il n'y en avait pas, qu'il n'y en avait bien plus. Sûr. Et la FIAF fonctionne encore, puisqu'on a récupéré aussi, justement, de la part du Ghost Film au fond, des films. Alors là, c'était pas des films d'animation, mais c'était des films français qui avaient été spoliés par les nazis, qui avaient été officiellement brûlés, mais en fait, qui avaient été emmenés par les Allemands à Berlin, stockés à Berlin, et puis quand les Russes sont arrivés à Berlin, ils ont pris les films et ils ont emmené en Russie. Et donc, on a retrouvé comme ça, par l'intermédiaire d'échanges et de relations, le négatif original de La Grande Illusion, que Renoir pensait avoir perdu irrémédiablement. On a retrouvé aussi une version inédite d'un film de Pabst qui s'appelle Mademoiselle Docteur, qui s'appelait aussi Salonique Nid d'Espion, et qui avait été saisi par les Allemands pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y avait une histoire d'amour entre un officier français et une espionne allemande pendant la Première Guerre mondiale, et ça passait pas. Et le montage du film qui a été ressorti après-guerre, bien sûr, ne mentionne pas que l'espionne allemande en fait, échappe à l'accident de voiture, et dans la version de 46, le film s'arrête sur l'accident de voiture où elle est censée mourir dans les flammes. Bien sûr, on pouvait pas se permettre autre chose après-guerre. Donc voilà, donc c'est des choses comme ça tout à fait. J'imagine le plaisir qu'on doit avoir quand on nous envoie, alors là il y a eu la grande affaire d'une, il y a un ou deux ans de Métropolis, on l'a retrouvé 20 minutes et qui rechange, moi je l'ai pas encore vu, mais qui change visiblement le film. Oui. Ça doit être quand même assez incroyable quand d'un seul coup, coup de téléphone, bah tiens, ou je suppose des Portugais qui d'un seul coup, ben on a retrouvé votre, le premier film. Il y a une grande satisfaction. Alors soit de récupérer des choses effectivement qui permettent comme ça de, un peu de changer un peu aussi les créneaux de date de l'histoire du cinéma, ou effectivement de pouvoir se dire tiens, ils ont récupéré un film majeur de leur cinématographie, et ça c'est très bien. Il y a eu deux, justement, je vais citer deux exemples de films d'animation concernant une même, une seule et même personne, c'est Emile Cole. Il y a maintenant deux ans, on passe en inventaire, avant une restauration, un film qui était censé être un film de Pathé Enseignement, donc qui était justement les fameux films qui passaient ensuite dans les écoles, les films didactiques, sur la fabrication des allumettes. Bon, un film comme ça, il y en a plein, il y avait Culture du haricot, bon, il y a plein d'autres choses très intéressantes. Et donc, ok. Et puis, en fait, on m'appelle, la personne qui était en charge de l'inventaire du film, enfin, son analyse avant restauration m'appelle, elle me dit, écoute, là, les allumettes bougent, il faudrait que tu viennes. Et alors, bon, je viens, il y avait un carton titre, mais le film n'était pas signé. Et par contre, bon, on a retrouvé quand même assez facilement, en fait, le titre du film et surtout son auteur, qui était bien évidemment Emile Cole, parce que ça faisait forcément référence à un autre film d'Emile Cole qu'il avait réalisé plus tard aux États-Unis, qui était Bewitched Matches. Mais là, c'était pas Bewitched Matches, c'était bien Les Allumettes Fantaisie. C'était un film de 1912 qu'il avait réalisé chez Eclipse, et c'était un film qui était considéré comme perdu. Et comme le film avait été mis à l'époque dans une boîte de Pathé Enseignement sur la fabrication des allumettes, il y a dû avoir une inversion à un moment. Je parlais du grand arrivage de bobines, etc. Bon, voilà. Et ça fait partie des heureuses découvertes. Autre découverte aussi intéressante concernant Emile Cole, et là qui change beaucoup, c'est que tout le monde pensait qu'Emile Cole avait terminé sa carrière en 23, avec Publiciné, et en fait c'est fou, il l'a terminé en 37, puisqu'on a retrouvé les rushs d'un film inachevé, mais qu'il avait tourné avec Mima Ndeli, qui était une femme réalisatrice, et qui s'appelait le film s'appelait La Conquête de l'Angleterre, et c'était le deuxième épisode, on va dire, d'une série comme ça sur les conquêtes de par le monde. Il y avait la découverte de l'Amérique que Mima Ndeli avait fait en 34 toute seule, et puis justement La Conquête de l'Angleterre, où on voit Emile Cole apparaître au générique, et en fait c'est lui qui a reconstitué toute la tapisserie de Bayeux. Qu'on peut voir dans certaines expos, on l'avait vu d'ailleurs à Annecy, dans l'expo d'Annecy. Donc ça a été une grande redécouverte, parce que c'est un film de 37. Et il est mort en 38. Il est mort en 38. Et pour la petite histoire, Mima Ndeli, c'est la personne qui apparaît, c'est la jeune dame qui apparaît entre Émile Cole et Georges Méliès au château d'Orly. C'est la fameuse photo, la fameuse rencontre Méliès-Cole. Qui se retrouve très souvent effacée. Et qui se retrouve très effacée parce que malheureusement, on a oublié qui était Mima Ndeli. On l'enlève. On l'enlève, et souvent il y a eu des remontages, effectivement. Juste pour voir les deux plus connus. Les deux plus connus. C'est ça. Voilà. On va évidemment faire là une petite pause musicale. C'est un peu qu'est dommage, et on a deux heures, on pourra en avoir largement plus, parce que c'est passionnant. C'est terrible. Oui, on va finir, on va encore continuer. Juste, c'est à la fois génial et à la fois terrible, c'est-à-dire que tout bouquin d'histoire, en ce qui concerne le cinéma, je ne sais pas pour le reste, n'est pas caduque à sa sortie, mais en tout cas, on peut trouver d'autres choses. Chez les historiens, on ne dit jamais un film perdu, on dit considéré comme perdu, jusqu'à ce qu'il soit retrouvé, parce que c'est vrai que ça arrive tous les jours, mais de temps en temps, où c'est vrai un mauvais titre. C'est vraiment l'intérêt de faire des recherches et de se remettre en question. C'est donc ça. Le conditionnel est vraiment important en histoire. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a de bonnes choses. Puis j'ai revu le Grimaud Phénomène électrique. C'est vrai que c'est ce que j'avais jamais vu encore. C'est super. Quand il y a un remonte. Enfin, c'est pas le film original, mais c'est vrai que c'est pour moi c'était une découverte. C'est assez émouvant. Ouais. Il y a beaucoup de films comme ça. Mais il faut dire alors, aussi que Beatrice. Starevitch a été considéré, on ne pouvait pas le voir, tout le monde connaissait les films de Starevitch par oui dire, par les livres, par les historiens, mais ils ne pouvaient pas les voir puisqu'ils étaient sur nitrate. Donc c'est pour ça que nous, comme nous avions tout le matériel, nous les avons passés sur Safety pour que les films soient disponibles. Parce que parler des films, quand on ne les a pas vus, ça entraîne beaucoup d'erreurs. Quand on ne les a pas vus, chacun peut se faire sa propre idée. Comme par exemple l'idée que dans le roman de Renard, le lion est une marionnette géante, mais non, il mesure que 1 mètre, et pourtant il est royal. Enfin, il mesure que 1 mètre. Je trouve que le que est un peu 1 mètre. Oui, mais des marionnettes géantes. Moi, je suis intervenue dans une école où les gens, enfin, c'était dans une, non, c'est pas. Donc, les gens m'attendaient avec les marionnettes pour les montrer aux enfants, et la personne qui m'accueille à l'arrivée du train me dit : « Je suis désolée, je ne suis venue qu'avec une camionnette. Nous voulions amener 2 camions. » Je lui dis : « Mais pourquoi ? Mais pas pour les marionnettes. » Je lui dis : « Mais madame, je suis venue en train. » Et donc, c'était, je veux dire, on ne se rend pas compte. Quand on voit quelque chose à l'écran, on est fasciné. Donc pour elle, le lion, c'était quelqu'un de, qui rentrait et qui devait rentrer dans 2 camions. Je trouve ça merveilleux parce que un lion à échelle 1, la taille. Oui, c'est ça. Non, mais c'est déjà fou parce que. Oui, c'est fou parce que ça veut dire que la magie, elle est telle que on ne pense plus, quoi. On est juste sous le charme. On n'a plus de puissance de raisonnement. Sauf que moi, déjà 1 mètre, Florentine, t'imagines animée juste une marionnette 1 mètre, rien que ça. En plus, à quelques personnes, à 2-3 personnes, à 1 personne qu'anime. D'un mètre, on se dit, mais bon, c'est vrai que je suis pas très grand. Non, donc je pense que ça doit m'impressionner encore plus. Mais la vraie animation, c'est celle qui est la plus discrète, c'est celle qui va faire vibrer une moustache ou soulever une poupée. Oui, mais c'est vrai que ce 1 mètre reste, je trouve, quelque chose d'assez impressionnant. Il y en avait, de 12 cm, de 18, de 22, de 33. Et la plus grande, c'est le mètre. C'est le mètre, oui. Voilà. Donc 18, c'était. Les petites qu'on voit dans le roman de Renard, qui sont dans les gradins, font 18 cm, celles-là, par exemple Non, elles ont toutes les. Ça va de 3 à 1 mètre. Celles des gradins, elles font 12 cm. Celles qui dansent, etc. Marc, tu voulais dire quelque chose ? Non, on a oublié de parler d'un support aussi qui a beaucoup aidé à la conservation des films d'animation, qui est le pâté Babi, parce que c'est un support non inflammable et qui a permis de retrouver. Moi, j'ai retrouvé des films de mon grand-père grâce aux éditions pâté Babi. Donc, ça fait partie un peu du charme de certaines découvertes. Depuis que je me suis intéressé à mon arrière-grand-père, j'ai pu retrouver 4 films de lui, des films colorisés, des films chromocomiques, qui étaient des films, des petites boucles de cinéma d'animation qui étaient vendues avec des lanternes jouées, qui étaient des lanternes magiques et en même temps cinématographes. Donc, elles permettaient de projeter des plaques de verre de lanternes magiques. Et aussi de projeter des petits cycles d'animation, donc avec des principes d'apparition, disparition, d'entrée de champ, sortie de champ, etc. Le magicien qui fait sortir le lapin du chapeau, et voilà, c'est à l'infini. Et donc la plupart de ces illustrateurs qui étaient caricaturistes, ils sont passés par l'image dessinée, ensuite par l'image projetée, puisqu'ils sont devenus pour certains comme Émile Cole, Benjamin Rabier ou Lortac des lanternistes, parce qu'ils faisaient aussi des plaques de verre de lanternes magiques. Et donc ils sont intéressés à l'image animée ensuite, et donc on a des témoignages comme ça assez incroyables, et c'est toujours un moment privilégié de ressortir de la découverte. Jean-Baptiste, un dernier petit mot tu voulais dire, non ? Par rapport au pâté Baby, effectivement le format c'est 9,5 mm. Donc c'est un tout petit peu plus grand que le film Super 8 et nettement plus petit que le film 16. Donc mais par contre effectivement c'est à défaut d'avoir l'original en 35, nous ça nous est arrivé à plusieurs reprises justement de repartir de ces pâtés baby pour au moins faire une restauration de ces films. Je pense au petit poussé de Lortac par exemple ou à d'autres films où à défaut de mieux eh bien on repart de ça parce que au moins même si c'est une version qui est réduite, non pas au niveau du format mais au niveau de l'histoire, la plupart du temps c'est reconstitué. Il faut savoir quand même qu'il y avait même des longs métrages en prise de vue réelle qui étaient édités en pâté baby, et donc là c'est sur plusieurs bobineaux. Je crois qu'il y a même Napoléon en 26 bobines, enfin bon, la belle ganse, oui, ouais, donc bon, mais voilà, mais de temps en temps effectivement pour retrouver des cartons, enfin des intertitres, pour des dialogues ou des images, eh bien, on part même du Pavé Baby. Et c'est très intéressant. Bon, alors on va faire une pause, Bulle de Rêve, dans ce Bulle de Rêve spécial pionnier et archives. On va revenir après pour parler bien évidemment de Gallo et pour parler même de, évidemment de tout le travail, parce que les archives, et ça qui est intéressant, on l'a bien compris, sont là pour redonner vie au film et évidemment donc les montrer. Et évidemment, on a entendu Sébastien nous parler de Propagande Animaux. On va faire une petite pause. On va partir dans, dans le futur avec Plaid. On va écouter le morceau 11. Voilà, comme d'habitude, Nicolas, 11, 10 plus 1, 11. Donc, de la musique de Amer Béton. Voilà, on écoute de Michael Arias. Michael Arias, on écoute ça de suite. Bulle de rêve, le retour, toujours donc, l'émission 100% animation sur Radio Libertaire. J'ai oublié de dire le numéro de téléphone du studio, qui est le 01 43 71 89 40. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Même si Florentine est un peu loin de la porte, elle pourra se téléporter de l'autre côté pour vous répondre. Et juste pour avoir Florentine au téléphone, je vais redire le numéro de téléphone. Vous pourriez appeler 01 43 71 89 40. Voilà, c'est un plaisir. Donc, toujours avec Béatrice Martin-Starevitch, Jean-Baptiste Garnero, Sébastien Roffa et Marc Fay qui va nous parler. Il va prendre le micro. Et on va parler. Ah, juste parce qu'évidemment, j'aime bien ça. Jean-Baptiste, comment on fait? Tu nous as parlé du nombre de films énormes qu'il y a. Comment on choisit les films qui vont être restaurés en priorité? Est-ce qu'il y a un top 20 en disant, oh là là, celui-là, il est plus important parce que c'est tel réalisateur? Comment ça se passe? Il y a un comité? Alors oui, il y a plusieurs choses. Bon, effectivement, il y a l'importance cinématographique du film au niveau qualité historique, importance du film, ça c'est sûr. Mais je parlais de l'instabilité du film Nitrate tout à l'heure, et effectivement, on ne sait pas à 3 mois si un film Nitrate va se décomposer totalement ou pas. Donc, il y a eu un procédé qui a été mis au point. Alors, ça peut paraître un peu barbare, mais c'était effectivement de prélever sur chaque bobine de film Nitrate un bout de pellicule. Mais il faut savoir que ce système a permis, par réaction chimique, donc de déterminer la durée de vie des films. Et donc, sur une échelle de 40 ans, sachant que le problème était déjà là en 69, même si bon, il y a eu des restaurations qui ont été faites entre 75, je pense, et 90, avant la mise en place vraiment du plan Nitrate, ça a permis quand même aussi de classer un peu ces films-là au niveau de l'importance de la prise en charge, indépendamment de l'aspect importance cinématographique. Et donc c'est une des méthodes donc, qui ont permis quand même de créer comme ça un échéancier assez fiable sur la longévité des films. Il faut savoir qu'aussi que le bon stockage, je reviens aussi avec la remarque de Béatrice sur le fait de dérouler les films, de les laisser aérer. Bon, les films Nitrate, par exemple, ils sont rembobinés mous pour pas justement créer de trop de pression. Ils sont dans des boîtes qui sont aérées puisqu'il y a un trou. Les unités de stockage de films Nitrate sont ventilées. Enfin bon, tout ça, ça fait que on a encore des négatifs des frères Lumière. En théorie, durée de vie d'un film Nitrate, c'est 50 ans. Là, vous faites le calcul, c'est plus de 110 ans, donc c'est génial, quoi. Ça prouve que déjà que le nitrate a une durée de vie théorique nettement plus longue, et qu'en plus de ça, quand il est conservé correctement et qu'il est bien pris en charge, il peut durer, alors pas il va être un éternel, mais il y a certains films des années 50 qui n'existent plus parce que justement, ils ont subi des chocs thermiques trop importants ou parce qu'ils ont été mal fabriqués au niveau des compositions chimiques ou de l'usinage du film en tant que tel de la pellicule. Marc, est-ce qu'on va parler, évidemment, on va parler des pionniers, on en parlait, est-ce qu'on redécouvre que son arrière-grand-père est un des pionniers du cinéma d'animation, ou est-ce qu'on le sait tout le temps et d'un seul coup on se dit, et là on le sait bien, il y a un petit peu plus d'ouverture au niveau du cinéma d'animation, et on se dit, bon bah là c'est bon, je vais pouvoir enfin faire un documentaire et en parler. Comment ça se passe? Alors, en fait, moi j'ai toujours eu autour de moi des aquarelles, des caricatures, des dessins originaux, des carnets de croquis avec des petites choses en mouvement ou des amorces de mouvement qui se dessinaient. Donc finalement moi quand je dis que j'ai mis 8 mois à faire ce film là, j'ai mis 8 mois et 30 années avec toute l'incubation ça comporte. Ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que je suis allé aux archives du film pour m'aider dans mon travail de réalisateur, pour consulter toutes les archives concernant Ongalo. Il y a des films que je ne connaissais pas, il y a aussi des films que je n'ai pas pu voir parce qu'ils sont en cours de restauration du coup ça participe à la part stimulante des choses. Les archives, c'est un matériau vivant. Et dans le film, en fait, j'ai essayé de faire une proposition poétique autour de l'univers d'Ogallo, pour garder justement ce part simulante, en m'amusant, en prenant des vieilles cartes postales, par exemple, en les détourant, les rééclairant, en les recompositant dans un univers recréé avec un univers sonore ad hoc, pour donner un peu l'esprit de Montmartre et du cabaret chansonnier, recréer un lion imaginaire qui serait celui de l'enfance de mon arrière-grand-père. Et donc voilà, ça fait des plans séquences de 5 minutes. Juste pour que les... Parce qu'il y a plein de gens qui ne doivent pas forcément connaître. Juste le côté emblématique, parce que c'était alors, comme beaucoup alors, comme voilà, Émile Cohn, illustrateur alors, ou quoi, pour, il est pour connu. Pour présenter au gâteau, voilà. En fait, l'accroche est assez simple, c'est que c'est l'inventeur du bibendum Michelin, en fait. Voilà, donc là, d'un seul coup, tout le monde alors, repère le bibendum, on se dit bon, ça y est. Marius Rossillon dit au gâteau, en fait, c'est un Lyonnais montmartrois d'adoption, qui est né en 1867, 10 ans après Émile Cohn. Qui a donc créé le bibendum en 1898, donc un logotype qui est passé à la postérité, mon arrière-grand-père un peu moins, et qui était un des pionniers du cinéma d'animation, dont on peut les premières datations de ses films tournent autour de 1910 en fait. Hein. Alors, ce que je trouve très intéressant et hors évidemment comme toujours hors micro, Béatrice et Jean-Baptiste le disait à quel point, moi ce que je trouve très émouvant aussi dans le film, c'est la volonté, alors c'est assez drôle d'ailleurs par rapport au côté historien, parce qu'on est un historien, Marc regarde le micro, parce que c'est assez drôle par rapport au côté historien, c'est que là où un historien va vouloir évidemment, et je peux comprendre, dire bah voilà il est né, enfin avoir tout un travail, là on, en fait tout ce moment d'histoire passe à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, on commence, il arrive à Paris, et à la fin, on dit, ah ben en fait, oui, j'imagine comment mon arrière-grand-père né à Lyon, etc. Et je trouve ça une belle réussite, on va dire, dans le côté justement assez émotionnel, et on est de suite en se disant, ben je suis pas historien, mon envie est pas de le mettre forcément dans une vision des choses, mais voilà, quelque chose de plus... En fait, le propos, c'est vraiment une proposition poétique, c'est-à-dire que je prends en fait plus l'atmosphère de l'époque, de vieilles chansons, des cartes postales qui me disent quelque chose, des noms de French cancan, de danseuses de French cancan, pour connoter un petit peu et finalement donner l'atmosphère, parce que finalement c'est mon propos, c'est pas le propos du travail de Sébastien, c'est essayer d'appréhender de manière sensitive les choses, quoi, et puis m'amuser aussi, quoi. Quand on voit la somme d'archives que j'ai dû compulser pour, j'imagine, pour Sébastien, des fois c'est un peu décourageant, quoi. Donc du coup j'essaye de garder la part stimulante, Sébastien ou Jean-Baptiste, juste, est-ce que vous pouvez nous parler de... Juste, alors vraiment en 2 minutes, ou nous parler de Gallo et nous dire comment il se situe, parce que c'est vrai que autant dans si on connaît pas bien toute l'histoire, on va connaître facilement Émile Cohn un peu plus, on va connaître évidemment Starevitch et puis après Grimaud, etc. Autant c'est vrai que ça fait partie, mais comme l'Ortac, de noms qu'on connaît finalement beaucoup moins. Jean-Baptiste. T'as répondu, c'est-à-dire que Gallo il se situe entre Cohn et l'Ortac. Ouais, exactement. Oui, donc c'est tout à fait ça. Il est un peu entre les deux, et puis il a pas. L'Ortac avait créé un studio avec des employés, ce qui n'était pas le cas de Gallo. Et du coup, c'est vrai qu'il est un peu tombé aux oubliettes. Et puis, il a arrêté assez tôt l'animation. 1910 à 1927. Hein. Alors, j'ai cherché désespérément, parce que il y a un livre qui va sortir dans quelques mois sur les articles de presse sur le cinéma d'animation. Donc, il y a près de 900 articles qui vont sortir. Et j'ai cherché. Dans 2 secondes, c'est quoi? C'est un livre que tu vas sortir? C'est un énorme livre qui va sortir dans quelques mois. Ouais. C'est écrire sur le cinéma d'animation, donc des origines jusqu'aux années 50. Wow. Puisqu'on a toujours dit qu'on n'écrivait pas ou très peu sur l'animation. Et moi, j'ai trouvé des centaines et des centaines d'articles sur l'animation, et je cherchais désespérément, c'est pour ça que j'avais écrit à Marc aussi, une petite notice nécrologique en 46, c'est ça, quand il est décédé, ouais. Et il me semble qu'il n'y a rien. Ouais, il est mort à Carsacaillac, en Dordogne, dans un hospice. Et voilà, personne, oui, il n'y a pas une petite note. Aujourd'hui, sur Internet, il y aura toujours la petite chose qui va. Enfin, il y aura. Là, non, il n'y a même pas dans les journaux. Le Wouzou de 1946. Il y a beaucoup de choses sur les Wouzou. Ah. Je ne pense pas. Je ne pense pas, en fait. C'est, il a la fin de sa vie, c'était. Bon, il avait une vitalité énorme, donc il a dessiné jusqu'à la fin de sa vie, et il troquait ses aquarelles pour des morceaux de laine, parce qu'il y avait une filature à Karsakayak, l'hiver était un peu rude, et donc du coup il négociait ses bouts de laine pour ensuite il allait négocier auprès d'une dame pour tricoter un pullover et au galop voilà, il avait sa jambe de bois, il faisait partie du paysage local, mais il n'avait pas la dimension nationale que qu'a pu avoir Émile Cole, voilà. Évidemment. Ouais. Quoi. Autant Émile Cole, même s'il était un peu oublié vers la fin de sa vie, il a quand même participé. Enfin, en 36, on avait voulu fêter les 30 ans de Fantasmagorie, parce qu'on considérait qu'il avait commencé en 1906 et qu'il était sorti en 1908, avec l'eau du cas, avec Pierre Bourgeon. Donc il était toujours un peu connu, alors il y avait tout un travail de journaliste, d'historien déjà, qui se plaignait que Walt Disney, surtout en 36, Walt Disney est quasi au fait de sa gloire, et Blanche-Neige n'est encore pas sortie. Ouais. Donc, imaginez ce qui va se passer en 38. Donc là, on est vraiment dans une période où les Français cherchent. Il y a Émile Reynaud aussi qui a été remis en selle quelques années avant. Émile Cole meurt en 38, quelques semaines avant la sortie de Blanche-Neige. Donc encore une fois, il y a des articles qui se plaignent que voilà, le cinéma américain est promu et pas le cinéma français. Et c'est vrai qu'au galop, il est victime finalement du succès du dessin animé américain dès le début des années 20, en fait. Quelque chose d'assez artisanal. Oui, c'est ça. Le seul qui ait vraiment voulu donner une dimension un peu industrielle, c'est Lortac, et c'est pour ça qu'on dit que au galop, entre les deux, il a travaillé pour Lortac. Je crois aussi qu'Émile Cole a travaillé pour Lortac. Tous ces films, en fait, le seul film qui reste la période Lortac, c'est un film pour Michelin, en fait, qui avait été commandité par Michelin. Tous les autres publicités qui ont été réalisées pour au galop et pour les studios publicinés de Lortac ont disparu, quoi. Et comment ça, c'est pas la même chose, attention. De quoi? Publiciné à Lortac. Parce que pendant très longtemps, on a cru que Lortac avait créé Publiciné. Oui, ouais. Et en fait, attention, ce n'est pas la même chose. Et les historiens, attention, là, les archives. Alors attention, donc. Non, parce que pendant longtemps et dans plein de livres, c'est écrit que Lortac a créé Publiciné. Or, Publiciné, c'est une régie publicitaire qui a, entre autres, commandé des films à Lortac. D'accord. Voilà, c'est tout. Comment alors? Ce petit point très important, évidemment, c'est là où on se rend compte que l'histoire est quand même super compliquée, qu'il y a toujours des petites choses à reprendre. Comment on fait pour faire ce documentaire et pour passionner en se disant, il a un petit peu tombé dans l'oubli, même Bibi Andom, en effet, on connaît tout le monde, absolument on connaît Bibi Andom. Personne, enfin en tout cas peu de gens savent qu'il a créé. Comment on fait pour... C'est le cas typique d'un créateur caché par sa créature. Après, comment on fait? Déjà, on s'amuse, quoi. On s'approprie tout ce matériel assez hétéroclite. Et voilà, on essaye de faire, de recomposer, de réimaginer, de réanimer ces archives aussi. Scanné des vieux films de Lanterne Magique Cinématographe en HD qu'on a détouré photogramme après photogramme pour ensuite les réinsérer dans un chat noir dont on s'est amusé à trouer une vieille carte postale pour laisser la place des fenêtres et donc introduire ces vieux films de Lanterne Magique qui se bouclaient sur eux-mêmes et pour raconter un petit peu de la fantaisie et du charme aussi et la fraîcheur que pouvaient avoir ces animations-là qui étaient comment croquer un personnage en une seconde ou deux secondes, quoi. Donc il y a trois animateurs, compositeurs, ça sur le film, mais un animateur, j'ai vu, non, c'est qui a animé Frédéric Laurier, en fait, qui a animé un cycle de course du Bibi Andom, en fait, qui nous a servi à faire... Une très très jolie séquence où en effet, il regarde et puis il y a son sourire qui d'un seul coup arrive sur l'acteur, évidemment, qui joue et on voit le Bibi Andom qui se met à courir, en effet, qui est une très belle séquence. C'était un clin d'œil aussi parce que je voulais que ce Bibi Andom sorte de l'atelier et lui échappe et atterrisse sur la Lune parce que... Comment dire, il y a eu un autre clin d'œil de l'histoire, c'est que le premier pas de Armstrong sur la Lune ont été commentés par un journaliste de la RTF et qui, en voyant ce spationaute avancer vers la caméra, s'est écrié, on dirait un bibendum Michelin, quoi. C'est incroyable. Et donc, du coup, c'est une idée qui me plaisait assez, en fait, parce que Ogallo lui-même se surnommait l'artiste renomme dessinémateur et donc l'artiste renomme qui crée le bibendum qui ensuite va sur la Lune, c'est un truc qui lui échappe, comme le bibendum lui échappe, et j'aime bien parce que du coup ça laisse un peu libre cours à l'imagination, quoi. Évidemment, comme d'habitude, le temps commence à nous manquer. On va revenir après rapidement sur le documentaire Ogallo et sur les archives du film aussi. Évidemment, Sébastien, vous l'avez beaucoup entendu, mais quand même, on va le faire parler encore un peu sur son livre, sur Propagandes animées, donc à Bazar & Co. C'est une ressortie. Il était venu vous rappeler, nous en parler longuement dans une émission avec Franck Dion et Monsieur Coq. Alors, il y a quoi de plus dans cette belle édition? Il y a évidemment, il est illustré, ce qui n'était pas le cas pour l'Harmattan, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, c'est même assez différent. C'est-à-dire que pour le premier, j'avais pris propagande pays par pays. Et là, en fait, j'ai pris par type de propagande. Plutôt propagande politique, propagande sociologique. Je me suis aussi intéressé, est-ce que c'est efficace, la propagande par le dessin animé. Enfin voilà, j'ai essayé de faire des entrées thématiques, et donc c'est ni chronologique ni par pays. Donc voilà, c'est forcément on retrouve certaines choses, mais j'en ai rajouté d'autres parce que depuis 6 ans maintenant, il était sorti en 2005 déjà. Forcément, on apprend d'autres choses, on corrige, on rectifie des erreurs aussi, soit parce qu'on a commis des erreurs, soit parce qu'il y a des choses en plus qui sont apparues. Donc c'est une façon de mettre à jour des infos. Et puis ça a suscité aussi beaucoup de vocations. J'ai eu beaucoup d'étudiants qui m'ont écrit, qui voulaient travailler sur l'animation de propagande, des étudiants en TPE de première, je crois, en lycée, qui voilà, très souvent m'a contacté. Et c'est un sujet qui donne envie de s'intéresser à... Mais il faut dire que c'est quand même incroyable. Moi, quand je montre juste des extraits de... alors, comment ce petit cours de Disney, comment on fait un enfant... alors, je me rappelle plus du titre, c'est pas comment on fait un enfant nazi, mais c'est cet enfant qui devient... Education for Death. Bah, Education for Death. J'ai passé hier à mes troisièmes, vous voyez, donc c'est... Ah, voilà, c'est ça. Et juste, aussi moi, je le montre, et ils sont... Ils n'en reviennent pas que des films comme ça aient pu être faits, donc c'est vrai que ça marque à chaque fois. Non, c'est vrai que chaque fois que je fais des conférences où il y a beaucoup de monde, c'est vrai que c'est un sujet qui intéresse, qui interpelle. Et puis, donc, avec Thierry Steff, l'éditeur de Bazar & Co, on en avait parlé. J'ai dit, écoute, moi, je suis en train de faire ma thèse, j'ai pas vraiment le temps. Et puis, bon, j'ai pris quand même un peu de temps pour revoir. Et puis, j'ai rencontré des historiens allemands. J'ai été à Berlin, aux archives fédérales. J'ai consulté les archives de la UFA, de la Deutsche Zeichenfilm. Donc j'ai trouvé des choses en plus que j'ai intégrées en plus. Donc il y a beaucoup de choses aussi sur l'animation allemande qui n'existaient pas dans le premier. Il y a d'autres choses que j'ai pas reprises. Donc ce sont deux livres assez assez différents. Et puis j'ai inclus à la fin l'animation de propagande actuelle. Oui, oui, oui. Ça me semblait intéressant. C'est pour ça que je dis qu'on pourrait encore en parler. Parce qu'il y a vraiment plein de choses, notamment dans le conflit israélo-palestinien, ou des dessins animés iraniens de propagande qui sont assez hallucinants. Et c'est incroyable parce que même la religion, on se rend compte, utilise énormément l'animation, en fait, pour passer son message. Ouais. C'est vrai que notamment auprès des enfants, il y a beaucoup de films sur la promotion de la religion musulmane aussi qui passent. C'est diffusé en France, mais c'est surtout pour les pays musulmans. Mais il y a plein de choses qui passent et qui on promeut les attentats suicides, par exemple, en Palestine, par le biais du dessin animé. Donc c'est vrai que c'est assez hallucinant. Oui, de voir tout ce qui peut se faire et de l'animation. De réfléchir, en fait, sur toutes les possibilités qu'il y a aujourd'hui dans que l'animation a toujours fait et qui est quand même qui a pris son son essor, merci. J'ai tenu 45 minutes, 1h45 sans dire trop de bêtises avec son essor pendant la seconde. Parce que ce qui est étonnant aussi, juste en revoyant, parce qu'il y a quelque chose qui a changé aussi par rapport au premier tome dans le livre et puis dans ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut en voir de plus en plus sur Internet. Ouais. Ça, c'est important aussi. C'est vrai que... Enfin, il y a plein d'étudiants qui croient que tout est sur Internet et qui ne font pas l'effort de chercher. Ou alors qui vont directement aux archives sans trop chercher. Enfin, je trouve qu'ils sont soit trop pressés, soit la facilité, on regarde sur Internet et puis on trouve tout. Et on ne se pose pas la question, ça a été remonté, ça a été coupé. Enfin voilà, il y a plein de choses. Mais c'est vrai que depuis 2005... c'est pourtant pas si vieux que ça, et pourtant il y a plein de choses qui sont sur Internet, qui tombent dans le domaine public aussi petit à petit, donc forcément ça aide à ce qu'on puisse les voir librement sur le net, et puis des échanges d'informations entre historiens aussi, voilà, donc j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible en incluant des dessins animés, un dessin animé grec aussi, de propagande de Mussolini, contre Mussolini. Donc voilà, on m'a envoyé des infos, j'ai essayé de les retransmettre. Et puisque j'ai un historien là à apporter, Orson Welles, dans un dîner qu'il a avec des critiques au moment des Césars, dit à tout le monde, dit « mais moi j'ai rencontré un tyran, Welles, hein ?» Oui, mais c'est Oscar ou César ? César. César. Ça, en France, justement, il dit... Alors, c'est mal avec les Français. Il dit, j'ai rencontré un tyran dans ma vie qui a fait du cinéma. Et donc, les gens... Et puis, il y en a un qui connaît, qui fait Franco. Enfin, oui, bravo, Franco. Et Franco aurait fait des films d'animation. J'ai regardé un peu sur Internet, j'ai pas trouvé. Est-ce que ça te dit quelque chose ou pas ? Alors là, absolument rien. J'en ai... Bon. Mais alors, jamais... Entendu. Parce que Welles dit, donc il a fait des dessins animés. Il dit, Franco a fait des dessins animés. Moi, je connais un certain Raoul Franco, qui était plus raciste. Oui. Mais alors. Non, mais il était tyran. Là, Welles dit bien, voilà. À ma connaissance, c'était pas tyran, donc. Voilà, mais, alors que Franco. Non, mais il faut savoir que Welles a fait des dessins animés. Et il était passionné par l'animation. Enfin, passionné. Intéressé par l'animation. Et à un moment, il discutait beaucoup avec André Saru. Et Paul Grimaud pour soit faire un film ou faire une espèce de biographie sur André Saru, des Gémeaux, et éventuellement récupérer les archives des Gémeaux aussi. Donc, j'ai pas d'infos plus là-dessus, mais la famille d'André Saru m'en a parlé. Orson Welles s'était intéressé par les archives des Gémeaux. Je sais pas ce qu'il en est devenu. Et Welles aurait fait donc. Il avait participé à un projet qui n'a pas abouti, d'adaptation sur Le Petit Prince aussi. D'accord. De Saint-Exupéry. Et pendant les années 40, en fait, il avait un peu travaillé dans l'animation. Jean-Baptiste, tu voulais dire quelque chose ? Non, par rapport à Welles et l'animation, c'est aussi. Il y a justement ce que je veux souligner, donc, de la part de Sébastien, c'est qu'il y a le prologue du procès. De Welles, qui est réalisé par Alexeïev sur l'écran d'épingle. Donc ça aussi, ça témoigne bien de l'intérêt d'Alexeïev. Et le début de Citizen Kane fait vraiment penser à un film d'animation aussi, les premières images. Là, qu'on sent Welles intéressé par l'animation. Alors, pour finir, un petit tour de table quand même, parce qu'évidemment, il y a cette idée de où on peut voir, on demande souvent où on peut voir ces choses-là. Alors, heureusement, donc, on a quelqu'un, Béatrice, tu disais bien à quel point voilà, l'idée de donner est plus possible, donc que les gens puissent voir sur grand écran, notamment les films de Starevitch, ce qui est vraiment une chose importante. Donc, le 9 février va sortir Les Fables. On a aussi en DVD. Des choses. Donc, bien sûr, il y a le roman de Renard. Le roman de Renard, ça fait plus de 25 ans qu'il tourne dans les salles. Hein, de toute façon, il est toujours en 35 mm. Et d'ailleurs, c'est parce que Simon Simzi nous a demandé un programme nouveau que nous avons réalisé Les Fables. Et que après Les Fables, dans quelques temps, nous sortirons la série des fétiches. Puisque ça, c'était... Starevitch avait dit, moi, je peux faire un film par an. Mmh. Hein, au moment où Walt Disney, lui, avait beaucoup de monde pour l'aider. Lui, c'était pas du tout la même chose. Il a refusé d'aller aux États-Unis dans les années 30 en disant, moi, je travaille seul. Voilà, mais je m'engage à faire un film par an, quoi. Et les Contes de l'Horloge Magique sont aussi sortis en DVD dans un très beau... Bien sûr, il y a les Contes de l'Horloge Magique qui tournent aussi en 35 mm. Et qui sont en DVD. J'insiste aussi souvent pour sur le DVD là au micro, parce que c'est vrai que c'est évidemment très important de les voir en salle, mais c'est vrai que souvent il n'y a peut-être pas toujours la possibilité. On sait bien que l'animation, c'est souvent dans des horaires un peu bizarre, donc c'est vrai que c'est important de se dire où est-ce que je peux les voir en DVD. Ne vous inquiétez pas, en DVD, donc, les fables de Starevitch d'après La Fontaine sortiront en temps et en heure en DVD, parce que c'est un outil pédagogique extraordinaire. Les fables de La Fontaine sont au programme des collèges, sont au programme des lycées, et je pense que les enfants, ils sont toujours à l'affût des choses qui peuvent faire vivre le matériel scolaire. Est-ce que on peut trouver le DVD de Gallon? On le trouve où? Sur novanima.fr. Voilà. Donc novanima.fr. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et le DVD est trouvable là-bas. On peut le trouver ailleurs dans des librairies ou c'est difficile de. Il y a un district. À Clermont-Ferrand. Ouais. D'accord. Avec ça, vous êtes. Sur Isa. Est-ce qu'il y a Isa, des sites j'aimerais bien justement. Bah oui, voilà, faudrait le proposer. C'est un appel. Ah ben, sympathique. Bah, bien sûr, il faudrait le proposer. Et puis, voilà. Il y a Chalet aussi qui distribue. Enfin, oui. Il y a quelques. Il n'y a pas de distributeur, en fait. Moi, j'ai produit ce film-là. Et je l'accompagne voilà, dans des festivals, des projections un peu événementielles. Et voilà, un peu télédiffusé aussi. Mais pour tout ce qui est DVD, voilà, il faut le voir sur le site. Il y a eBay. En tapant sur Google, on arrivera. Bah en tout cas, bah voilà. Mais je répète. Hein, donc Novanima, novanima.fr. Propagandes animées, Sébastien Roffa, donc aux éditions Bazar & Co. Est trouvable, lui, par contre. Assez bien, moi, non, Gilbert, oui, je suis Mac, même etc. assez étonné. Oui, il est vraiment j'ai très bien. J'ai vu la Cinémathèque, et... MP2, oui. J'ai Gilbert. Et c'est très bien, vous le savez, il est venu, c'est un très beau livre. Là, maintenant, il y a plein de belles choses, il y a plein d'images qui sont très étonnantes. C'est, voilà, c'est 300 illustrations, un cahier 16 pages couleur. Mais c'est vrai que c'est bien, parce que c'est quand même ce qui manque un petit peu quand on parle cinéma, de ne pas avoir d'animation, de ne pas avoir d'image, c'est ce qui manquait un tout petit peu quand même dans celui d'Armatan qui était un petit peu plus aride. Là, c'est bien, c'est que si celui d'Armatan était absolument passionnant, était peut-être plus pour les pas collectionneurs, mais en tout cas voilà, là c'est bien, c'est que même un public un peu plus large maintenant. Ça a été écrit dans l'idée que ce soit un public un peu plus voilà. large. Voilà. Est-ce qu'il y a une carte de chercheur? Parce que tout à l'heure on parlait pour venir au CNC. Alors il y a une carte d'étudiant, mais il y a une carte. Non, alors. Donc si moi je veux venir. Alors. Par rapport aux archives, ça me permet de raccrocher justement les wagons par rapport à ça. Et par rapport au fait de pouvoir venir consulter des films aux archives, il faut s'inscrire sur le site des archives. Il faut s'accréditer. Donc il y a une rubrique s'inscrire et on s'accrédite. On remplit les quelques champs qu'il y a à remplir, et notamment surtout l'onglet motivation pour justifier justement le fait de pouvoir venir consulter gratuitement des films, puisque tout ça c'est quand même encadré et que ça nécessite... la mobilisation quand même de 2 à 3 personnes entre ceux qui vont chercher les boîtes, ceux qui instruisent le dossier chez nous et qui accueillent le public. Donc c'est quand même une gestion, je veux dire, qui... Il faut bien rappeler que si on les trouve en DVD, c'est pas la peine d'aller aux archives françaises. Bien évidemment, voilà, on vient aux archives quand... On peut mettre comme invitation rencontrer Jean-Baptiste Garnero. Non, ça c'est pas utile ça. Non, ça mais par pas. Contre, effectivement, voir des films qui n'existent nulle part ailleurs, parce que justement ce sont des films qui ne sont pas édités en DVD ou qui n'ont pas d'ayant droit, qui ne peuvent pas justement, grâce à l'intermédiaire d'ayant droit ou de familles qui s'occupent de leur patrimoine et de le valoriser. Là, et tu sais s'il y en a bien. Quand on voit que le Roi et l'Oiseau est toujours pas... Je crois, il n'est toujours pas disponible. Donc attention, dans ma thèse, vous apprendrez plein de choses sur les Gémeaux et sur le Roi et l'Oiseau, vous saurez tout. Mais c'est un hâte, vous savez que le Roi et l'Oiseau n'est pour l'instant pas disponible en DVD, vous ne pouvez pas le voir, ou alors il faut l'acheter 150€ sur Amazon. Oui, et ben moi, je vais voir aux archives françaises du film, j'ai eu l'autorisation de Madame Grimaud. C'est vrai, mais le Roi et l'Oiseau, la Bergère de Ramoneur, par contre, la Bergère de Ramoneur est disponible en anglais sur archive.org et sur plein de sites internet. Le film de 50, le film interdit sur le territoire français. Tu devais me l'offrir à Noël d'ailleurs. 101. Tu devais me l'offrir à Noël. Mais t'en auras un promis. deux choses très rapides sur les archives. On peut visiter les archives, on peut venir jusqu'à. Tu parlais. On participe aux Journées du patrimoine en général tous les 2 ans. Donc c'est sur inscription, mais ça c'est auprès de la mairie de Bois-d'Arcy, ça se fait très bien. En général, à chaque fois qu'on fait justement des portes ouvertes, il y a un peu plus de 1000 personnes qui viennent nous visiter. Après, c'est sur demande, parce que effectivement, ce n'est pas notre première vocation. On est dans un fort du 19e siècle, un fort militaire qui a été donc reconverti en lieu d'archivage, de stockage. Et puis donc, bon, il y a plein d'informations sur le site des archives, donc cnc-ff.fr. Et puis, s'il y a des questions liées justement peut-être à des dépôts. de films, si les gens veulent déposer des films, puisque on n'est pas là que pour le dépôt légal, on sait pour conserver des films pour producteurs, des choses comme ça. On a, par exemple, collecté des films de Folimage et de La Poudrière et d'autres professionnels comme ça de l'animation. Donc ça, il y a une adresse internet, c'est contact.savec@cnc.fr. Redis-la plus doucement avec ta belle voix. Contact.savec. Savec, c'est savec@cnc.fr. Et alors, ce qui est très important, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais évidemment, le CNC, tout l'argent qui sert pour les archivages, qui est évidemment important parce que ça nous permet de transmettre, et Dieu sait si la culture et l'art est évidemment primordial dans le passage d'énormément de choses, et on le voit, c'est très étonnant, j'écoutais, et on le voit avec ce qui se passe en Tunisie, et le fait que de suite l'art revienne au premier plan, et la culture, et d'un seul coup, on se dit, oui, on a été, la presse, mais aussi l'art, et se dire, voilà, on va pouvoir refaire du cinéma, par exemple. J'ai vu des émissions où en effet, on va pouvoir refaire du cinéma, et donc c'est absolument primordial. Le passage de cette culture fait aussi que les archives font des programmes. On en a vu à la Cinémathèque récemment, à la Cinémathèque québécoise, où tu as été présenté. Donc l'idée n'est pas de garder ça, comme on disait pour soi, c'est vraiment c'est diffusé de le proposer au maximum au plus possible, dans un cadre bien sûr légal, avec le respect des ayants droit, bien évidemment. Les films, justement, alors, et la plupart du temps, bien sûr, des films qui ne sont pas accessibles forcément par DVD justement ou via des distributeurs, et donc là c'est pour justement favoriser la diffusion de ces films, la ressortie de ces films en salle. Donc là aussi il y a beaucoup d'informations concernant tous nos programmes et toutes nos démarches pédagogiques et de valorisation sur le site internet, ainsi que toutes les références en fait des livres que l'on a édité, notamment le Praxinoscope, très beau livre édité par le CNC, distribué par les éditions Scope. Alors on mettra tout ça sur thewebanime.com et bientôt un bulle-de-rêve.com grâce à Florentine qui va nous organiser un site, et on aura toutes les archives. On dépasse le temps, c'est bon, on est parfait. On mettra tout ça. Merci beaucoup à Béatrice, à Marc, à Sébastien, merci à vous, et à Jean-Baptiste, merci à vous d'être venu vraiment infiniment. On aurait pu faire évidemment comme d'habitude une émission beaucoup plus longue que ça. C'est absolument passionnant. Plongez-vous dans tous ces pionniers du cinéma, ça nous apprend énormément de choses.